Et dans l'immédiat, il y a pas eu de problème pour faire parvenir le document. Et même, il a des invités en vrai. C'est Bulle de Rêve. Comme moi et comme Björk et puis Gervais à l'instant dans cette reprise Rolling Stone, vous n'arrivez à ne pas être satisfait. En effet, alors là je parle pas de l'élection du banquier, hein, même si le goût que laisse cette élection, c'est quand même qu'on s'est bien fait enfler quelque part. Alors fallait pas être sur Facebook et vouloir voter blanc. Hein. On s'est fait, moi je me suis fait traiter de tout, hein, de fasciste, traître, etc. Enfin tous ces petits mots, tous ces jolis mots pour nous faire culpabiliser pour voter l'autre. Bon. J'avoue que je me suis senti un peu plus ridicule, évidemment, juste après. Non, je parle pas de ça. Je parle pas de cet enregistrement que j'ai fait il y a 2 jours pour une émission de télé. Le réel était adorable. Mais qu'est-ce que c'est nul, la télé. En fait, faut dire des choses très rapides, très courtes, où on dit rien. C'est du vide, en fait, la télé. On en reparlera, mais c'est, il y a quelque chose qui m'épate. Donc, c'était pour une émission de Canal. Très bien, je vais faire l'imbécile et vous me verrez. Voilà, on développe pas. Aucun sens, enfin, c'est absolument terrible. Un sentiment d'insatisfaction que seule la télé peut nous procurer de manière si forte. Je parle pas de Bulle de Rêve non plus, hein, même si j'ai fait une erreur d'adresse mail qui nous a privé d'une émission il y a 2 ou 3 semaines. Stupide de ma part, une vieille adresse mail de Nicolas, et voilà, on se retrouve sans émission, pas de chance. Mais à noter que ce mois-ci, là, quasiment, hein, quelques jours près, je fête mes 12 ans. de présentation. Et oui, de Bulle de Rêve, il y a 12 ans, j'étais là, ma première émission, c'était un après Auch. Déjà, on en parlera. Autour de la table, et j'espère pour mes invités que ça sera la même. Ils auront une même carrière. J'avais Valérie Pierson de l'ANSA qui travaille maintenant avec Michel Gondry, Sébastien Lodenbach, qu'on connaît évidemment pour La Jeune Fille sans main, Jérémy Clapin, réalisateur évidemment de plusieurs courts métrages, dont Skizen, qui prépare son nouveau long métrage, et Arthur de Pince, qui sortira Zombielennium cette année. Donc du beau monde. Vous pouvez d'ailleurs trouver toute la liste. Sur The Web Anime, vous avez absolument tous les liens et toute la liste des, je crois, un peu plus de 200 invités sur The Web Anime. Donc ça, c'est plutôt une satisfaction et non pas une insatisfaction, au contraire, que Bulle de Rêve. Je parle pas non plus de ce rendez-vous à la mairie de Paris que j'ai eu la semaine dernière pour le PIAF. J'y suis allé, on a rencontré une dame qui s'occupe de la culture, visiblement, à la mairie de Paris, qui nous a reçus pendant 1h15. Une heure et quart, c'est gentil, hein. Tout ça pour au bout d'une heure et quart nous dire ça va pas tellement vous plaire ce que je vais vous dire, mais on a plus d'argent. Et là j'étais tellement furieux, c'était même plus la satisfaction de me dire mais pourquoi vous nous avez reçu une heure et quart pour nous dire à la fin qu'il y a plus d'argent. Ils donnent de l'argent à des gens très bien, hein. On nous a dit voilà, on donne de l'argent à la fête de l'animation et à l'AFCA, on le donne au forum des images. Moi, je trouve ça très bien. C'est des gens que j'adore. Au contraire, j'adore l'AFCA, bien évidemment. Le Forum des Images, j'y travaille. Même Isabelle Vanini, le Forum des Images, sera sûrement dans le jury du PIAF l'année prochaine. J'espère les gens de l'AFCA bientôt. Donc j'adore ça. Mais pourquoi une heure et quart entre les deux tours? J'avais qu'une envie, c'était de dire, vous vous rendez compte l'image de la politique horrible que vous nous mettez en tête. Je pense que cette dame n'avait rien à faire. Peut-être que je me plante. Et en fait, elle était là juste pour faire quelques dossiers. Et que, je sais pas, ça, j'ai sorti furieux, j'avais envie de dire, mais vous nous prenez vraiment pour des cons, ce qui est le cas. Alors non, ce qui nous rend insatisfaits, et vous, auditeurs, évidemment, auditrices de Radio Libertaire, je sais que c'était pas ça réellement, même s'il y a un peu de ça, mais c'est l'absence, que dis-je, le manque, le vide, créé par ces 2 mois sans la voix de Francis Gavel. Oui, le manque de sa voix, de ces mots qu'il choisit si bien, de cette musique qu'il découvre et nous offre, et il vous faut encore attendre 2 heures. Pour que cette attente soit enfin finie, que la voix de Francis Gavel inonde les ondes de nouveau de Radio Libertaire. Alors, pour que l'intonation de Gavelienne salvatrice emplisse nos oreilles, je me dis que j'ai pitié quand même de vous, et je vais pas vous faire attendre 2 heures, et j'ai demandé à Nicolas de passer juste le petit extrait qui est juste après, qui est numéro 2. Alors finalement, est-ce que dans la French Touch, il y aurait, là peut-être que je délire un petit peu, mais il y aurait une trinité d'inspiration avec Dieu le Père, c'est Paul Grimaud, le Fils, ça va être facile, mais c'est Jean-François Laguioni, et puis le Saint-Esprit, c'est Michel Oslo. Voilà, donc est-ce que c'est ça aussi, finalement, un nouveau courant dans le cinéma français, mais un courant plus mondialisé, puisque d'abord on dit French Touch et pas touche française, parce qu'on a changé d'époque, et que bah, peut-être du coup, voilà, c'est le cinéma français qui rayonne, mais qui en même temps est sous influence et influence, et puis va chercher les talents là où ils existent, et que peut-être la French Touch finalement c'est une curiosité d'esprit. Pour toi. Voilà, et Francis vient d'arriver. Vous n'avez pas de chance, vous n'avez que la voix. Et moi, j'ai l'image. Il est devant nous, là. Vous inquiétez pas. Dans 1h50, Francis Gavel sera là parmi vous. En attendant, j'ai 4 invités autour de la table. On va faire un spécial bruit parce que c'est un super festival et que je suis un vendu total parce que notamment Bruce, c'est on en reparlera, mais c'est des super bénévoles, il y a des gens incroyables qui nous accueillent, je trouve qu'il y a une ambiance qui est assez extraordinaire, donc j'ai la chance, merci beaucoup, de recevoir Sabine Sipsi. Bonjour Sabine. Bonjour. Déléguée générale, c'est le bon terme, hein. Yes, okay. Déléguée générale de l'AFCA. Et en fait, je me suis posé une question à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui caractérise Bru? Et j'ai eu l'impression, et ça se voit dans les grands prix de Bru, c'est la jeunesse des réalisateurs. Leur jeunesse, façon de parler, ils sont pas autour de ma table, ils sont jeunes, mais quand même pas complètement tout jeunes. Ça, c'est pour me rassurer, moi. Et je me suis dit, tiens, je vais demander à 3 réalisateurs plutôt jeunes, on va dire, de venir, sortant de l'école, de venir nous parler. Marie Delaparent. Bonjour. Voilà. Charlie Belin. Bonjour. Et Loïc Espuche. Bonjour. Voilà, donc les 3, on va parler un petit peu en plus ou moins deuxième heure avec eux de leur travail. Vous verrez, ils ont certains des parcours un petit peu équivalents, mais avec des choses bien différentes dans leur travail. Voilà, on va parler avant de Bru. Mais évidemment, vous savez, il y a toujours là, le morceau du mois, en tout cas, ce que j'ai voulu mettre en place pour le mois. Et là, bien évidemment, parce que c'est ça qui est drôle, sinon ça n'a aucun intérêt, je viens de perdre mes notes que j'avais mis à propos de ça. Voilà, parce que sinon, ça, c'est pas drôle du tout si je me plante pas un petit peu. Donc, je n'y retrouve pas, c'est pas très grave. J'aurais pu commencer, en fait, allez, avec, normalement, musicalement, toute cette émission aurait pu être ce genre de choses. Nicolas, on va écouter la troisième piste. Ça y est, le grand incendie, y'a le feu partout, emergency Babylon. Paris s'écroule, New York City, Iroquois qui déboule maintenant. Allez, London, Delhi, Dallas dans le show, hommage à l'art pompier. T'entends les sirènes, elles sortent la grande échelle. Vas-y. Et voilà, j'aurais pu commencer comme ça, mais malheureusement, dimanche soir, et je pense que ça venait déjà 15 jours avant, la rébellion et avant la révolte, je pense que c'est le dégoût qui, moi, m'a mis en place, enfin, il s'est mis en place en moi. Et donc, tout ce qui va être musique, ça va être plutôt ça, et ça va être plutôt ce genre de musique, mais promis, la rébellion va revenir très rapidement. Et donc, on commence avec une chanson, ça m'a fait penser à une chanson, qui est une chanson de Ben Harper, qui s'appelle, ça y est, je l'ai perdu, qui s'appelle Excuse Me Mister, où, Ben Harper nous demande à ces gens qui nous gouvernent, soi-disant, est-ce qu'ils s'appellent monsieur, et dans ce cas-là, est-ce qu'on leur ressemble ou pas? On écoute ça et on revient après pour parler, évidemment, d'animation. À tout de suite. Lord, excuse me, miss, but I'm a I'm a Mr. Two, giving Mr. Bad name, Mr. Like You. So I'm taking the mist from out in front of your name, 'cause it's a Mr. Like You who puts the rest of us to shame. It's a Mr. Like You putting the rest of us to shame. And I Nicolas dit antenne. Voilà, je vous le dis parce que c'est, voilà, c'est un moment que j'aime bien. Ben Harper, Mister, je vais pas vous faire toutes les paroles, je les ai là, mais voilà, c'est vraiment l'accusation de gens qui se disent des soi-disant des responsables et des messieurs qui ne font absolument rien et dit j'enlève le nom Mister devant vous parce que vous mettez la honte à tout le reste d'entre nous. Donc voilà, Ben Harper et excuse-moi Mister Nicolas, on va écouter, il y a une petite minute, on va écouter juste le morceau qui est juste après. Donc c'était la bande-annonce du Festival de Bru, Olivier Mélano à la musique, Sébastien Lodenbach au mot et à la voix, Laetitia Chérif. La bande-annonce de Bru, Sabine, oui. Contente? Ah mais ravie. C'est vrai? Bah oui. Donc un festival de Bruges qui s'est terminé le 30 avril, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait quelque chose de nouveau, on va peut-être commencer par ça, par le volet professionnel, où on a été obligé d'être à Rennes. Obligé. On avait un peu balisé le parcours. Pendant deux c'est jours. Vrai. Non, non, l'idée c'était d'expérimenter une nouvelle configuration du festival, notamment pour la partie qui s'adressait plus particulièrement aux professionnels, en se focalisant sur deux journées, plutôt que de le distiller comme on le faisait les années précédentes tout le long des 5-6 jours du festival. Là, on se dit, on fait deux journées où il y a un parcours balisé entre les films en compétition et puis les rendez-vous professionnels qu'on a délocalisés à Rennes pour des questions d'infrastructure, puisque la particularité de Bruges, c'est que c'est une petite ville. Il y a seulement un grand centre culturel, qui est le centre culturel du Grand Logis, qui fait spectacle vivant et cinéma, avec une très belle salle et une toute petite salle à côté, et puis après c'est compliqué. Donc il a fallu trouver un lieu qui nous a accueillis, et qui en l'occurrence est une des salles du groupe Cinéville qui nous a accueillis sur ces deux journées. Une réussite, ces deux jours professionnels ? Alors oui, on n'a pas encore lancé le questionnaire auprès des accrédités auquel tu répondras, j'imagine. Puis vous aussi, avec plaisir. En tout cas, les premiers retours sont plutôt bons. Il y a encore des choses à étoffer, évidemment. Je pense que de toute façon, c'est mauvais signe si on est totalement satisfait de son travail et de la manière dont ça s'est déroulé. Donc il y a encore des choses à revoir, un rythme à donner, peut-être un peu moins soutenu. Je pense que c'était un petit peu difficile aussi pour les professionnels de rester comme ça sur ces deux journées en continu. Il y a beaucoup de choses, il y a des séances de pitch, des tables rondes, etc. Puis revenir le soir à Bruges, voilà, il y a une dynamique en tout cas qu'on a effleurée, qu'il faut qu'on retravaille encore. Alors ça c'est moi qui le dis, l'excellente sélection de pitch. Moi c'est la première fois quasiment que j'allais au pitch. C'est quelque chose qui m'a jamais intéressé. Enfin, je comprends que ça puisse être important. Et là, j'ai trouvé une bonne, une bonne réflexion. C'est qui les a choisis? Il y avait des choses qui étaient, comme le film de Claire Juge, par exemple, à la fois, donc, qui partait dans danse contemporaine avec de l'animation dedans. Des choses comme, je pense, ce film qui a, évidemment, je l'ai oublié, juste le nom, ce film incroyable que tout le monde veut voir maintenant, qui a eu le prix Cyclique, qui est bien sûr La Fée des Robert, oui. De Léane Bivier-Chappas. Oui. Absolument incroyable. Il y a eu pas mal de choses. Donc, complètement différent. C'est passé comment la sélection des pitchs ? Et ben en fait, il faut savoir que la session des pitchs aussi, elle est assez récente, hein, mine de rien, ça fait 4 ans qu'elle a été mise en place. Avant, elle était vraiment réservée qu'aux sélectionnés en compétition. Et puis moi, quand je suis arrivée, j'ai dit bah autant l'ouvrir à plus de personnes pour ceux qui le souhaitent. Alors, c'est vrai que la particularité, c'est que nous, on prend pas vraiment en charge les pitchers, donc c'est aussi ça, c'est un peu délicat. Donc il faut qu'il y ait une envie de leur part de venir, excepté l'accréditation évidemment. Et on a simplement lancé un appel à projet. Avec 3 catégories de pitch, plutôt court-métrage jeune public, court-métrage on va dire ado-adulte, et puis série ado-adulte dans la continuité du forum de la série adulte qu'on avait mis en place en décembre 2015 à l'époque. Donc 3 appels à projets, on a monté 2 comités, un seul et même comité composé de personnalités de l'AFCA et des personnalités extérieures pour les pitchs de court-métrage dans leur ensemble, et un autre comité pour les pitchs de série. Donc ça réussi, pas mal de monde dans la salle à chaque fois, oui. Pas assez de temps, ce qui fait qu'à chaque fois ça déborde bien évidemment sur l'heure du déjeuner, c'est pas sympa, mais voilà, on a tout regardé, c'était assez passionnant, j'avoue qu'il y avait des choses assez étonnantes et assez passionnantes. Donc ça c'est les pitchs à Rennes, il y avait aussi des projections de courts-métrages en compétition, il y avait pas mal de choses, ça c'est les deux jours, mais on est revenu à Bruges, mais oui. Parce que c'est quand même bien Bruges. Mais oui. Et puis à Bruges, la particularité là du festival, c'est qu'il y avait ces deux journées professionnelles, mais en même temps, il y avait toujours des propositions aussi à Bruges, avec des compétitions, des programmes plutôt de la sélection nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin la particularité, je le redis, on ne sait jamais, pour les gens qui ne connaissent pas, hein, le festival, c'est une vitrine de la production française d'animation, donc sous son format court, long, mais aussi, évidemment, il y a des films de commandes, par exemple, publicité, habillage, etc. Des films d'atelier aussi, parce que ça nous semble important de valoriser ce qui est fait en termes d'éducation à l'image partout en France autour du cinéma d'animation, et que parfois on a de vraies pépites, je trouve, et qu'il est important de le montrer et de le valoriser. Et puis j'oublie aussi la section série, et long métrage, mais qui n'est pas compétitif pour l'instant, en tout cas on n'ouvre pas à la compétition. Ce qui est pas très important, ce qui est important, c'est de montrer à quel point l'animation s'ouvre, oui. Et que finalement part dans énormément de directions, énormément de chemins. C'est ça, l'idée c'était d'avoir un spectre très large sur aujourd'hui, c'est quoi la filière animation dans son ensemble, de l'amateur jusqu'à la grosse industrie, et c'est aussi la raison pour laquelle on a ouvert un salon des nouvelles écritures à Rennes, qui présentaient pour la première fois des projets. Alors, je sais plus aujourd'hui comment faut les appeler. On va les appeler transmédia ou hors film. Moi, j'appelle plutôt des projets hors film, mais encore, certains me disent c'est peut-être pas forcément le bon terme. Je ne sais pas. Avec voilà de la réalité virtuelle, du jeu vidéo, du jeu sur tablette et application, etc. Puis qui permettait voilà d'aborder comment on écrit aussi pour ces projets-là. Et puis comment est-ce que quelle interaction se met en place avec l'usager, avec le spectateur, sachant qu'on avait un beau partenariat avec l'école Pivot, puisqu'ils étaient venus pour jouer les médiateurs sur ces projets-là. D'accord. Au Champ Libre à Rennes. Et ça, c'était au Champ Libre, voilà, c'est ça. Qui est aussi un lieu important. On va dire qu'elle a été aussi un lieu important pour le festival cette année quand même. Ah bah oui, et puis c'est la première fois aussi que, parce que c'est un établissement de Rennes Métropole, et c'est la première fois qu'ils accueillent vraiment ce type d'événement. Nous, on les connaissait déjà, puisque en mars 2016, on avait monté un gros événement dans le cadre de leur dispositif qui s'appelait les premiers dimanches. Et donc c'est une carte blanche qui est donnée à une structure sur un appel d'offres qu'on avait gagné. Et c'est une après-midi. Tous les espaces sont ouverts. On a fait ce qu'on voulait avec une petite enveloppe, enfin une enveloppe quand même assez une bonne enveloppe, on va dire, pour y avoir une après-midi où on a exploré nous ce qu'on appelait les mondes animés. Donc on avait dédié des espaces, un espace au volume, un espace plutôt à l'image de synthèse, un espace plutôt réservé aux enfants, d'autres aux adultes, etc. Donc c'était vraiment une exploration. On a eu plus de 9000 personnes sur l'intégralité des Champs Libres pendant 4 heures. Est-ce que ça répond au manque d'infrastructures de Bruges? Justement, cette extension à Rennes, est-ce que on peut imaginer un équilibre? Ça, entre les deux, il faut encore qu'on le teste. Je pense que c'est surtout au niveau de la mobilité des publics qu'il faut trouver une solution qui soit un peu plus adaptée, peut-être avec plus de fréquences de navettes, de cars, peut-être qu'il ne faut peut-être pas restreindre à 2 jours le volet professionnel, peut-être à 3, quitte à les faire un peu plus léger. Je vois des têtes qui font ça, donc je sens qu'on est sur la bonne piste. On mettra dans le questionnaire ça aussi. Mais en tout cas, les Champs Libres, ça peut être un bon lieu en tout cas sur lequel se reposer pour faire certaines propositions avec. Bah, le Cinéville était à 5 minutes à pied, en plus c'est à côté de la gare aussi, donc c'est un bon compromis et on peut imaginer ouais, un jeu comme ça entre les deux pôles, ouais, entre Bru et Rennes. Avant de passer très rapidement, on va passer en deuxième partie, peut-être un peu plus, bah, voilà ce qui a été le festival en lui-même. Je parlais des bénévoles et je parlais de l'importance évidemment de cette structuration à l'intérieur de Bru, on va dire du festival. Ça c'est quelque chose qui est... c'est de l'or, c'est un peu facile comme phrase. J'ai l'impression d'être un journaliste. Ouais, c'est de l'or. Mais t'es pas très loin de ça, parce que c'est vrai que ce qui s'est passé, alors c'était avant que j'arrive à l'AFCA, mais c'était l'idée de ne pas parachuter un événement comme ça de manière un peu à côté de la plaque sur un territoire. Parce que quand on arrive quelque part, on arrive sur un lieu, on arrive sur un lieu de vie, un lieu d'activité, de loisirs, de travail, etc. Et je pense que dès le départ, il y avait cette volonté, mais aussi de la part de la mairie de l'époque, d'impliquer les habitants, et ça a fonctionné. C'est-à-dire que c'est pas juste le fait ils sont 150 bénévoles, c'est pas juste le fait ils sont présents et ils répondent présents tous les ans, et toujours avec le sourire, enfin c'est hyper agréable. Non, moi ce que je remarque, là où il y a une vraie réussite, c'est que ce sont devenus des ambassadeurs du cinéma d'animation. Et donc là, j'ai envie de dire, ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'ils sont en capacité de faire un lien quand ils voient la jeune fille sans main, ils font « Ah, mais c'est celui avec le film sur la stripteaseuse, etc. » Ils sont en capacité de faire un lien, de dire pourquoi ils apprécient un film, pourquoi ils ne l'apprécient pas, et puis de former les nouveaux bénévoles, voir les publics. Et ça, en ça, c'est très très précieux, ça je suis d'accord avec toi, c'est absolument formidable. Je suis pas sûre que sur d'autres, il y a beaucoup d'événements qui ont cette force-là, parce qu'aussi on est sur un festival entre deux tailles, on n'est pas un petit festival, on n'est pas non plus un très gros festival, on est à taille humaine, et je pense qu'elle est là aussi notre plus-value. Vous trois, qu'est-ce que vous retenez de Bru, en positif? Après le négatif, on verra, mais déjà. Marie? Moi, ce que je retiens de très positif, c'était les bénévoles et puis la taille du festival qui était vraiment très agréable. En fait, ça changeait vraiment du festival d'Annecy où, quand on était étudiant, on a eu l'occasion de pouvoir participer à plusieurs festivals d'animation ou pas, qui étaient toujours super et on a vraiment beaucoup aimé participer à ces festivals-là. Mais là, à Bru, ce qui était vraiment particulier, c'est qu'en effet, le festival était vraiment de petite taille et du coup, on a pu rencontrer beaucoup de personnes et prendre le temps de se parler entre nous et en fait de rencontrer aussi les bénévoles et les personnes qui n'étaient pas du milieu de l'animation, quoi. Donc c'était un cadre privilégié pour ça. Charlie? Moi c'est un peu pareil en fait. Je crois que le truc qui m'a le plus qui a plus retenu mon attention par rapport aux autres festivals, c'est ce rapport avec les bénévoles, les habitants. Mais en plus moi j'étais logée chez l'habitant et il y avait une sympathie générale qui régnait sur le festival assez incroyable. Loïc ? Pareil, la sympathie de l'ensemble du festival, où j'ai l'impression que ça fait vraiment une petite famille, et c'est hyper convivial, très touchant, et tout le monde est assez accessible. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé super agréable, et j'ai bien aimé aussi l'ensemble des pitchs où j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de qualité dedans, dans la sélection des projets. Voilà, je pense, voilà. Non, mais comme par hasard, on se promet, on n'en a pas parlé avant. Je leur pose la question. C'est vrai que c'est des choses qui ressortent. C'est cette séance de pitch assez étonnante, je trouve. Enfin, moi, qui avait une force, on va dire. Voilà, il y a des projets que j'aimais moins, des projets que j'adorais. Mais il y avait un équilibre que je trouvais intéressant. Et évidemment, les gens, finalement, qu'il y a autour du festival. Jérémy Perrin, en invité d'honneur, c'est aussi l'idée de montrer que l'animation, elle est sur tous les bords. Jérémy Perrin, c'est l'histoire de Last Man. Oui. Et c'est pas de rester uniquement sur, même si c'est un autre Jérémy Perrin en soi, évidemment, hein, mais en tout cas, voilà, d'aller dans différents styles. Oui, c'était aussi cette envie-là, et de se dire que le festival continue sa trajectoire et son ouverture vers autre chose que le court-métrage, le cinéma en tant que tel, avec un grand C en tout cas. Et puis c'est aussi parce que même au sein de l'équipe, et puis on a un vrai coup de cœur pour le projet Last Man, hein, que ce soit d'ailleurs sur sa version littéraire que sur sa version télévisée. Donc c'était l'idée d'aller jusqu'au bout de cette trajectoire, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur les choses avant de passer peut-être à des choses un peu différentes, la compétition, je parlerai pas du palmarès, même si Loïc ici présent a eu un prix, mais je parle jamais des palmarès, c'est quelque chose que je ne fais pas. Mais pareil, c'était intéressant d'avoir quelqu'un. Évidemment, j'avais oublié son nom juste maintenant, qui est la musicienne de Val Power. C'est intéressant d'avoir quelqu'un justement qui certes a fait la musique d'animation. Elle a fait les superbes films, notamment Évidemment de Virginie Keaton, et Je crée contre la vie ou pour elle. D'avoir voilà des gens qui sortent un petit peu du milieu. C'est vrai que c'est une envie de se dire à un moment donné, et c'est vrai, c'est une particularité. Hein. Moi, je trouve qu'on est vraiment dans le sérail de l'animation. Quand je veux dire l'animation est on va dire oui, c'est un peu, il y a beaucoup d'entre-soi, faut se le dire très clairement, et qu'à un moment donné ça fait du bien de faire venir, ce qui est le cas sur le festival, beaucoup par exemple de programmateurs de salles, de médiathécaires, de gens qui viennent comme ça et qui du coup ont un vrai regard et qui eux sont en lien direct en plus avec les publics, ce sont les premiers passeurs, hein, et d'avoir aussi des musiciens, en tout cas d'autres corps de métier qui viennent et qui viennent nous enrichir en tout cas sur le festival, et ça c'était important. Autre chose aussi, qu'on a une grande vigilance à la parité. Et c'est vrai que quand on regardait pour les compositeurs, et je vais être très franche, c'est-à-dire qu'à la base, quand on regardait pour les compositeurs, alors il s'avère que ceux qu'on avait sollicités à un moment donné avaient été compositeurs de beaucoup de films qui étaient en compétition, donc ça devenait compliqué. Et puis surtout que les compositeurs, il n'y a quasi pas de femmes. Très clairement, en tout cas dans le court-métrage. J'ai un peu honte d'ailleurs sur les 200 invités qui sont venus ici à Bulle de Rêve. Je me suis rendu compte, j'ai beau faire des émissions sur la place de la femme, etc. Il n'y en a pas tant que ça, malheureusement, parce que je pense qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, mais c'est vrai que pendant longtemps ça manquait, on va dire. Donc c'est vrai que c'est un peu c'est encore un peu difficile d'avoir cette parité entre les deux, mais ça va même plus qu'arriver, la preuve. J'ai 3 invités contre 1, donc je commence à reprendre le dessus. Les secrets de fabrication. Ah, secret de fabrication, moi j'en ai vu qu'un. Quel secret d'Alexandre Noyer, où il nous a présenté le successeur, on va dire, de l'écran d'épingle d'Alexeïev et Parker. Vous regardez un peu partout ce qui se passe, dire bah tiens, lui, on en parlait depuis un an, tiens, lui, c'est ça, c'est intéressant. C'est des coups de cœur aussi par rapport à des projets, des choses comme oui, ça. Oui, ce sont des rencontres aussi. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on connaissait un peu le projet d'Alexandre, voilà, parce qu'on en avait entendu parler, etc. On en a beaucoup discuté, lui et moi, notamment, lors de la dernière édition du Festival d'Annecy. Et on l'avait aussi accompagné dans l'enquête qu'il avait menée pour savoir s'il y avait une possibilité démultiplier les prototypes de l'écran d'épingle, en tout cas de ce qu'il a produit. Donc on l'a accompagné là-dessus, on a communiqué là-dessus et on s'est dit allons plus loin, surtout que autour de ça on savait qu'il y avait une production de films qui avait été réalisée et qui sont aussi en cours de réalisation, qui vont l'être, qui était intéressante à mettre en avant, en tout cas. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est deux outils différents qui utilisent la même technique, la même pratique, mais qu'en effet ils sont, quand vous travaillez sur les deux, on va dire qu'il n'y a pas du tout les mêmes la même texture d'image, j'ai dire qualité, mais c'est vrai, quelque chose de positif ou négatif, ce qui n'est pas le cas. La même texture d'image, il n'y a pas le même rapport du noir et blanc, pareil, etc. etc. Ouais. Et donc, c'était intéressant de voir, et notamment avec des gens comme Florentine Grelier, évidemment, qui travaille sur l'écran d'épingle d'Alexei F. Parker et sur celui-là. Elle a expliqué un petit peu aussi les différences qu'il y avait entre les deux. D'amener des outils comme ça, qui sont des outils mythiques de l'animation, même si encore une fois, ils sont un peu différents à un public non connaisseur. Et ça fait plaisir. Enfin, il y a quelque chose de. Ah oui. De voir des gens tourner autour de cette espèce de. C'est de la folie, l'écran d'épingle. Enfin, ça reste un truc complètement hallucinant. C'est assez marginal en plus, évidemment. Et je pense que ça le restera aussi d'une certaine manière. Mais c'est quand je parlais d'un spectre large, on est typiquement dedans. C'est-à-dire que là, on est sur un outil, une technique qui est très artisanale. Et puis à côté de ça, on va avoir ce que je disais tout à l'heure, on a de la réalité virtuelle. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on se dit, quelqu'un va au festival, professionnel, public ou qui que ce soit, se dit, bah voilà, là je vois un petit peu tout ce qui est possible en fait, c'est en animation, et c'est très important pour nous de conserver cet aspect-là, en tout cas, au-delà même de cette question de secret de fabrication envers du décor aussi qui est essentiel. J'avais une dernière question avant qu'on passe. Évidemment, oui, j'ai entendu énormément de bien, ça fait beaucoup d'énormément, du ciné-concert en sortant de l'école. Oui. Tout le monde m'a dit, j'avais l'impression que c'était quelque chose qu'il fallait pas louper, et qu'évidemment, et là, je confirme. On a loupé, c'était placé le mercredi, on travaille. Donc, paraît-il que c'était assez incroyable, parce que c'était à la fois un spectacle, c'est ça, c'était pas que. C'est du spectacle vivant, vraiment. Ouais. Ça peut être étrange de dire que ça va au-delà du ciné-concert, mais vraiment, c'est-à-dire que, après, la particularité, c'est que ce qui s'est passé, c'est que nous, on a été en discutant avec Yann Volsi, autour de ce projet-là, etc., et on a dit, bon, allons-y. Nous, on a le Grand Logis qui accepte d'être partenaire en mettant à disposition les lieux pour une semaine de résidence. Et puis, ils ont joué le jeu. Ils étaient là quand même depuis le jeudi de la semaine précédente. Hein, donc, ça fait assez long. En tout cas, ça doit être l'une des. J'ai dû faire 3 séances sur le festival, hein, je pense, quelque chose comme ça. C'était le plus beau voyage que j'ai fait. Parce que j'ai redécouvert des films, en plus, certains des films de la collection En sortant d'école qui. Pour certains, ne m'avaient pas marqué, que je trouvais un peu inégal dans l'ensemble, et qui ont été sublimés en tout cas par leur interprétation. Il y a un vrai travail autour de la création sonore, corporelle, du chant un petit peu au début. Enfin, ouais, vraiment, ça fonctionne extrêmement bien. Il y a un gros travail qui a été fait, et c'est assez magique. Et l'idée, c'est que nous, on est coproducteurs en AFCA avec Tant Mieux Prod sur ce ciné-concert. Et là, c'était l'idée de le lancer. C'est pour ça qu'on avait fait venir un ensemble de programmateurs aussi pour qu'il puisse avoir sa vie. Peut-être que Oficam, j'espère qu'il pourra avoir lieu là-bas. Oui. Voilà, je pense qu'il en a pour quelques années en tout cas. Bon, on ne demandera pas les films moins bons dans sortant de l'école qui ont été magnifiés. Non. Ok. On ne sait jamais, hein, ça aurait pu être. On va faire une petite pause musicale. Alors, juste avant, faut bien comprendre l'anglais, mais voilà, les paroles en gros, c'est je suis dégueulasse et perverti, obsessionnel et fou. J'existe depuis des années. C'est horrible, hein, ce que je fais. Je vous raconte ça, alors c'est tellement mieux dit. J'ai très très peu changé. Je suis l'outil du gouvernement et de l'industrie aussi. Je suis là pour régner et pour vous réguler. Je suis le slime, vous savez, le truc tout gluant là, comme ça, qui sort de votre télé, et c'est une charge contre la télévision, mais en plus fait avec le talent, l'énergie et la drôlerie de Frank Zappa. Donc on écoute I Am The Slime, et on revient juste après pour finir et pour reparler de Bru et de l'AFCA aussi, puisqu'on a la déléguée générale de l'AFCA avec nous. À tout de suite. Gross and perverted, I'm obsessed and deranged. I have existed for years, but very little has changed. I'm the tool of the government and industry too, for I am destined to rule and regulate you. I may be vile and pernicious, but you can't look away. I make you think I'm delicious with the stuff that I say. I am the best you can get. Have you guessed me yet? Well, I'm the slime oozing out from your TV set. You will obey me while I lead you and eat the garbage that I feed you. until the day that we don't need you. Don't go for help, no one will heed you. Your mind is totally controlled. It has been stuffed into my mold. And you will do as you are told until the rights to you are sold. I'm the sly from the lady ho, who's in the long run. I am the sly from the video, can't stop the sly people of the video. I am the sly from the video, who's in the long run to live no more. I am the sly from the video, can't stop the sly people of the video. C'est quand même une chambre d'hôtel. J'étais en train de parler. Et voilà. Donc ça m'arrive. Je pense que c'était fait exprès parce que je sais plus qui m'a dit ça. Je crois que c'est Charlie peut-être qui m'a dit. Alors ça, ça t'est jamais arrivé finalement de te laisser piéger par le. Non, quelqu'un a dit par la, l'antenne. C'est voilà. Bah oui, je viens de me faire piéger par cette antenne. C'était Frank Zappa. Et nous parlions de choses et d'autres. Comme d'habitude, vous le savez, je ne vous cache rien. C'était la dernière de Denis Valgenwitz. Oui. On peut le dire, Denis. On peut le dire, oui, ouais. Parce qu'il a annoncé qu'il qu'il quittait la présidence de l'AFCA à la prochaine Assemblée Générale, qui sera le 27 juin d'ailleurs, hein, à la Maison des Auteurs, à Paris. Et après, oui, oui. D'accord, après Annecy. Donc on sera le 27 juin qui remplace Denis Valgenwitz. C'est ça. C'est paraît-il un très bon choix. Oh bah, il y a les bruits de couloir. Et les bruits de couloir, c'est que c'était un bon choix. Mais j'ai pas su, pourtant j'essaie de faire. Vous savez que pour cette émission, je fais n'importe quoi. Donc j'ai vraiment tout essayé. J'ai couché avec Olivier Catherin, enfin des choses comme ça. Personne ne m'a rien dit par rapport à ça. Enfin voilà, j'ai fait un petit peu. Je voulais remercier, j'ai la chance de faire un rendez-vous des auteurs à Bru. Et la très très bonne idée de cette année, c'était de présenter donc 5 minutes de questions et 5 minutes où ils nous montraient des images. Et je trouve que. Pour moi, c'est une des premières fois où je vois une rencontre avec des auteurs. En tout cas, peut-être, je sais pas, vous, pour les auteurs, vous avez peut-être vu ça dans d'autres festivals. Mais je sais qu'Annecy le fait pas, Zagreb je le fais pas. Enfin, peu de festivals le font. Vous proposez à la fois de répondre aux questions. Je sais pas, à Poitiers, j'ai vu que beaucoup d'entre vous étiez allés à Poitiers, Angers, tous ces festivals-là. Est-ce que c'est des, Clermont-Ferrand? C'est plutôt des questions. Pardon. C'est plutôt des questions, sans images. Il n'y a pas forcément d'images. Charlie? Non, effectivement. Moi, c'était la première fois, en tout cas, où il y avait des images. Loïc, toi, tu as... Moi, j'ai eu avant à la fête de l'anime à Lille, où il y avait justement là une présentation, mais sans, en fait, sans vraiment de questions, mais c'était, moi, ouais, c'était une présentation un peu plus longue de 15-20 minutes, oui, je crois, ça, hein, où ils nous donnaient un thème quelques semaines à l'avance et on avait à préparer, mais c'était pas tout, toutes les personnes qui avaient un voilà, film un choix sur le festival, il y a eu quelques étudiants qui ont présenté. Ton mari aussi, non c'est Moi, c'était la première fois que je voyais ça dans un festival, mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que du coup, il y a vraiment des réalisateurs qui se sont amusés avec ça aussi. Par exemple, il y a Émilie Pijard qui avait plein de choses à nous montrer et qui avait très envie de montrer des choses et c'était super intéressant en fait. Et on avait des gens qui, soi-disant, ne parlent pas et qui parlent énormément. Une fois qu'ils sont devant le micro, comme Marie, qui m'avait dit, j'aurais pas grand-chose à dire. Et à un moment donné, vous savez, vous êtes devant le micro, vous êtes... Je sens que je vais pas réussir à l'arrêter. Et le temps passe, mais c'était passionnant. C'était passionnant, mais c'était assez passionnant, je trouve, comme émission. Même dans la, en tout cas, moi, en tout cas, comme je l'ai vécu, dans l'énergie que ça amenait, les gens qui passaient, la différence qu'il pouvait y avoir entre certaines personnes. Et donc voilà. Donc je veux dire, c'était une excellente idée. Et ben tant mieux. C'est pour le coup, je vais rendre à César ce qui appartient à César. C'est Cécile qui a eu cette idée-là, qui était suite aussi aux différentes configurations qu'on avait imaginées sur ce qu'on appelait avant les apéro-terviews, mais qui étaient compliquées, en se disant on va donner un écran un petit peu plus optimal, on va dire ça comme ça, pour donner une sorte de mini carte blanche à l'ensemble des auteurs qui sont invités. C'est la seule chose qui manque, c'est la boisson. Parce qu'avant apéro-terviews, on buvait aussi pendant. Et c'est vrai que c'est la seule chose qui faisait chaud. Dans cette salle, voilà. Non, j'en profite, c'est rarement qu'on a son patron en face de soi, en fait, pendant qu'on fait une émission de radio en direct. Donc la personne d'accord, peut, voilà. J'installerai une tireuse. Alors, c'est en direct, vous l'avez tous entendu. Merci beaucoup. Donc voilà, ça va être très bien. Sous réserve que le directeur technique accepte. À la fin de la journée, ça va être vraiment pas mal. Est-ce que. On va partir sur deux, trois autres questions. Est-ce que. Je te la pose quand même. Je pose toutes les questions, évidemment, ici, oui. à Radio Libertaire et à Bulle de Rêve. Est-ce que Bru, ça n'a pas été annoncé à la fin du festival? Est-ce qu'on retourne à Bru l'année prochaine? Est-ce qu'on a les dates? Enfin, pour l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Alors. A priori, et sauf avis contraire, ce sera à Bru et ce sera toujours au mois d'avril. Donc, vu qu'on fonctionne en dehors des vacances scolaires pour travailler avec les publics scolaires, justement, ce sera la première semaine. C'est une réussite, avril, pour toi, c'est-à-dire de sortir de décembre, alors qu'on aimait bien certains, parce qu'aller en Bretagne en décembre, il y avait un côté un peu. On l'a fait. De résistance. De résistance. Oui, c'est complètement ça. Est-ce que ce déplacement, est-ce que vous sentez un peu plus de monde dans les salles, un peu plus, je sais pas, est-ce qu'il y a. Alors, pour le coup, alors on n'a pas tout à fait fini les bilans. En l'occurrence, en termes de fréquentation, on a eu plus de professionnels, on a eu plus de scolaires, parce qu'on a fait aussi une semaine de tournée sur tout le département, notamment pour les établissements scolaires qui ne pouvaient pas se payer un car pour venir jusqu'à Bru, etc. Donc là, on est allé dans les salles vraiment en milieu rural, et ça, c'était important. Donc on a un peu plus de scolaires de ce point de vue-là. En termes de public, on n'a pas eu ce qu'on attendait, très d'accord. Clairement. Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est qu'on venait tout juste des vacances scolaires, qu'on était sur un week-end de 3 jours avec le 1er mai, qu'on était sur un entre-deux-tours, que c'était un changement de période aussi, donc peut-être que tout le monde n'était pas forcément au fait de ce changement-là. Donc nous, pour l'équipe, en termes d'organisation, de partenariat, c'est beaucoup mieux. Je pense qu'il y a encore du travail à faire pour faire venir les publics, en tout cas. Alors, je vous ai pas posé la question, donc vous n'êtes pas obligé évidemment de répondre. Enfin, je n'en avais pas parlé avant. Est-ce qu'il y a des tous les trois, si vous voulez dire, je sais pas si vous avez vu beaucoup de séances. Moi, je vois pas beaucoup de séances à chaque fois à Bru, parce que je pense que comme disait Loïc et comme vous disiez tous, moi j'ai plutôt tendance à parler avec les gens. Je trouve ça très agréable comme festival pour parler avec les gens. Mais est-ce que vous avez, je sais pas, un film que vous avez vu qui a un coup de cœur, qui vous a plu dans le festival? Marie a des grands yeux, elle se précipite sur le micro, donc vas-y. Ouais, moi j'ai revu Psychonautas avec beaucoup de plaisir. Je l'avais déjà vu au Carrefour de l'animation, et en fait là en le revoyant à Bru, c'est vraiment un film qui m'a beaucoup plu et qui m'a marqué, parce que je le trouve vraiment très bien réalisé. Il y a à la fois des grandes qualités, je trouve, dans la narration, et qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, et je pense que ça tient peut-être aussi à la façon dont il a été réalisé aussi, vu que c'était une très petite équipe, et que ça s'est fait en Espagne avec une jeune boîte de prod, si je dis pas de bêtises. Et en plus, il y avait aussi des grandes qualités techniques, et c'était très agréable à regarder. Donc un très très beau film, et que moi j'ai beaucoup aimé, et que les bénévoles qui m'hébergeaient ont beaucoup aimé aussi, et qui m'ont dit qu'ils trouvaient que ce film avait une grande beauté dans sa noirceur. Ouais. Et profitez-en, il sort dans 15 jours, c'est assez rare qu'on ait des longs métrages, donc je crois que c'est quelque chose comme ça, c'est autour de minuit, coproducteur qui sort le film. Le 24 mai, exactement, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autour de la table des coups de cœur, Loïc, Charlie? Pas forcément, hein. Encore une fois, je ne vous avais pas demandé à l'avance, donc je ne sais pas si. Moi, Charlie. Du coup, j'ai eu l'impression, du coup, ce que je retiens surtout de Bru, c'est les pitchs. J'ai eu l'impression de ne pas avoir le temps de voir beaucoup de séances. Et d'ailleurs, toute la journée de présentation des auteurs, j'ai été un peu frustrée de ne pas avoir vu plein de films, en fait. Il y avait plein de films où je me disais, oh là, ça a l'air super bien, comme les gens en parlaient. On avait en plus quelques images, du coup. Et j'avais envie de voir les films, mais j'ai pas eu le temps. Et du coup, les coups de cœur, c'est plus sur les pitchs. Ouais. Voilà, particulièrement. Ouais. Moi pareil, j'ai vu plus de j'ai passé plus de temps au pitch que dans les séances, mais j'ai vu aussi Psychonautas qui m'a agréablement surpris. Je suis dans en court-métrage, il y en avait un, j'ai pas retenu le nom, mais sur la sexualité qui était pour l'appel à projet de Canal+, que j'ai trouvé et qui était aussi en fait en projet de développement pour en faire une série. Ah, qui était, oui, qui est le, d'accord. Parle-moi, quel projet de... Que j'ai trouvé intéressant dans le thème, la mise en scène, enfin l'approche qu'il y avait, j'ai trouvé ça assez fin. Et il y a une autre séance que j'ai beaucoup aimée, c'était une séance de work in progress sur Le Grand Méchant Renard, où en fait j'ai trouvé ça fou de voir à quel point le mec qui parlait de son travail était passionné de tout ce qu'il racontait, comment... Enfin, chaque petit détail pour quelqu'un qui dessine, comme quand il parle de la directrice de studio et de comment ils ont fait jouer les enfants, tous ces petits détails ou le rapport d'adaptation d'une BD, j'ai trouvé ça à la fois super pertinent pour un public qui vient pas de l'animation et même quand on est dans l'animation, j'ai beaucoup aimé le regard et ce qu'il disait, donc plus les extraits. Ouais, ça va être une des grandes sorties de juin, je pense. Encore une réussite de Benjamin Reiner. Sabine, est-ce que toi, il y a quelque chose, un coup de cœur? T'es pas dans la sélection, t'es pas, donc tu peux aussi, pourquoi pas, si t'as envie d'avoir un coup de cœur. J'en dirais aussi, hein, bien évidemment. Est-ce que j'ai un coup de cœur? Tu nous l'as dit, c'était aussi le ciné-concert. Très fortement. Eh bien, non, mais en tout cas, c'est une belle découverte sur l'univers. Alors, je viens d'oublier son nom. Qui avait un film, La Fée des Robert, qui avait aussi qui avait un film aussi en compétition. Voilà, Boubzilla n'a pas, j'ai plus le titre. Change de pneus. C'est normalement. Que je trouve incroyable. Do it yourself. Voilà, et je trouve que c'est un univers qu'on a envie de suivre. Donc, moi, c'était cette belle découverte-là, en tout cas, aussi. Oui, je pense qu'en effet, vous pouvez retenir le nom de Léane Villiers-Chapa. Je pense que ça va être assez incroyable. Et les gens, elle a réussi à capter, on va dire, les gens. C'était assez incroyable. J'avoue que même si le pitch était pour beaucoup un peu moins aussi, moi, je suis très, très fan du travail de Louise Caillé, voilà, qui, elle aussi, encore, vient de la poudrière, qui fait une série qui ressemble, je suis désolé, c'est un peu facile, mais une espèce de Twin Peaks complètement barré. J'espère vraiment qu'elle réussira à le faire. D'ailleurs, je vous fais une petite pub, parce que c'est grâce à ça. Moi, comme d'habitude, je ferai mes rendez-vous des 3A pendant Annecy, et j'ai invité Louise déjà à venir nous parler un peu de son projet, parce que je trouve ça assez incroyable. Il y aura pas mal de monde, je suis en train de faire le parcours. Il y aura Tesla qui est là, qui va être présenté au Festival de Cannes. Restor viendra, il y a Boris Labbé qui viendra nous parler, donc voilà, comme d'habitude, cette rencontre là mais c'est vrai que je pense que voilà, on a deux fortes personnalités. Moi, j'aimerais aussi donc, à part ça, parler de trois films très rapidement que je vous conseille si jamais vous avez l'occasion de les voir. Sûrement le film, pour moi en tout cas, mon film préféré de cette réalisatrice, qui est Diamanteur, de Chloé Maslow, qui, je trouve, réussit un film très très touchant. Elle réussit comme toujours avec Chloé Maslow de faire des choses un peu de briques et de broc, on va dire, mais là elle fait un film avec ses notamment des images d'elle petite, et ça, son père étant diamanteur, et met en relation l'éducation qu'on fait à des enfants avec le polissage qu'on peut faire des diamants, et c'est un film que j'ai trouvé très très touchant, un film qui mérite d'être vu et revu. On peut être déçu la première fois, qui est Vieil Ours de Chen Chen, la première fois, moi, je sais, j'adore Chen Chen, et plus je le revois, plus je suis touché par cette espèce d'ours, ces personnages. Je trouve qu'il y a une grande, grande force dans le film, et qui, peut-être c'est ça aussi la force d'un film, se laisse découvrir au fur et à mesure que les films se revoient ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et je pense que mon coup de cœur, vient pour un film, auquel je m'attendais pas du tout, qu'un réalisateur que j'aime beaucoup, dont j'avais adoré son film notamment, de l'MK, et qui s'appelle L'horizon de Bene. De Jumi Yoon et Loïc Jiménez, qui a un film qui se pareil. Alors, c'est le genre de cinéma que j'adore, et se laisse découvrir. Il y a une force dans le film, on comprend pas où on avance petit à petit, et je sais pas, il y a une force aussi graphique qui est très forte. Il y a aussi un son absolument incroyable qui est fait par sûrement l'un des meilleurs. C'est pas pour rien, on en reparlera, monteur son, enfin responsable du son, je sais pas comment on peut l'appeler, Loïc Burkhardt, qui est une espèce de personnage absolument hallucinant, vraiment, je le pense. Et L'horizon de Bene, si vous avez l'occasion de le voir, c'est un film qui à la fois montre du passage. Pardon, moi ça m'ennuie souvent, les passages de l'enfance un peu à l'âge adulte, on va dire, mais d'un seul coup de comprendre ce qui est autour de nous. C'est un vrai film écologiste, sans le montrer, sans en faire des tonnes. C'est un film d'une grande, grande intelligence, et voilà, donc Ju Myun et Luc Jiménez, de donc évidemment cette mafia qui est la Poudrière, puisqu'à l'animation il y a Mai Nguyen, Eric Monchaud, enfin voilà, donc c'est un peu tous ces gens là mais évidemment ça donne des films absolument passionnants comme on le voit. Ce que je pensais faire, parce que je suis un petit peu on va laisser partir bientôt Sabine parce qu'elle doit partir à 18h, elle est déjà venue là. Ce qui est peut-être pas mal, c'est qu'on va passer, parce que je pense que là il y a les auditeurs commencent encore plus à s'angoisser. On pourrait passer juste le petit morceau qui est après, qui fait 45 secondes. Merci Nicolas. Disney impose quelque chose. Disney, le projet naît en 1934. Donc à ce moment-là, il y a quand même un état du monde spécifique. L'état du monde spécifique, c'est qu'en Allemagne, il y a l'ascension au pouvoir de Hitler, que quand même, il faut le signaler, Walt Disney rencontre en 1935 Mussolini. Donc, il a conscience, mais c'est pas ce vers quoi il veut aller. Pourquoi il rencontre Mussolini ? Parce que Mussolini est un fan de Mickey. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, donc Mickey se retrouve à être la seule bande dessinée, puisqu'il n'y a pas encore tant de films que ça, mais en tout cas en Italie, c'est la seule bande dessinée qui ne soit américaine, qui ne soit pas interdite. Donc voilà, dans tout cet environnement, finalement, j'ai envie de dire que Walt Disney décide de se réfugier donc dans le monde de l'enfance et des contes, et ce qui est parfois le reproche qu'on va faire au cinéma d'animation. Et vous aurez la voix de Francis Gavel. Une heure, tenez encore une heure d'animation. Et Francis vous parlera là où moi je vous parle, avec ses beaux mots et sa voix beaucoup plus calme que moi. Allez, on va dire merci énormément à Sabine. Merci Alexis pour cette invitation. Ça va bien, l'AFCA ? Écoute, ça va bien. On est un peu fatigués, hein, ouais. Parce qu'un festival, c'est pas rien. On met un an pour l'organiser. Puis, dans la foulée, derrière, il faut organiser certaines choses pour Cannes. Cette année, une petite nouveauté. Table ronde qui va être animée par l'AFCA sur le stand du CNC. Mais l'information serait donnée très prochainement. Et puis, Annecy aussi. Ce que je me permets, c'est que grande nouveauté cette année. Annecy, au-delà du fait que l'AFCA aille à Annecy pour faire des rencontres et des découvertes, évidemment, parce qu'on est là pour programmer aussi, on s'est associé à l'Agence du court-métrage, au syndicat des producteurs de films d'animation et au syndicat des producteurs indépendants pour monter un gros projet de valorisation du court-métrage au marché du film international du film d'animation, donc dans le cadre du festival d'Annecy, puisque le court-métrage est quand même la star du festival, mais c'est vrai qu'au marché, on le voyait quasi pas, en fait, si ce n'est sur certaines ombrelles régionales. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir un grand stand de 18 mètres carrés entièrement dédié au court-métrage, juste à côté de l'entrée, dans l'espace institutionnel du marché, donc accessible avec une simple accréditation festival, pour rencontrer des producteurs, des acheteurs, l'AFCA, l'agence et les deux syndicats. Et c'est important, hein, parce que le ROC, donc, qui est le regroupement des organisations... Des organismes du court-métrage ouais. Vient d'annoncer, le CNC donne de l'argent, maintenant il y a un pouce pour que les salles repassent du court-métrage en salle. Donc il y a de l'argent voilà, pour et ça. Que donc, ce soit valorisé. Arrêtons de nous plaindre. On le sait maintenant. Vous pouvez aller voir vos salles qui sont à côté de chez vous, les salles art et essai, et leur dire regardez, vous pouvez maintenant être aidé un petit peu, en tout cas par le CNC, pour tenter de remettre en place ce court-métrage. Ce que je te propose, Sabine, c'est qu'en en juillet, il y a une émission ici, tu reviennes avec le ou la délégué général de l'AFCA et qu'on fasse une émission un peu sur l'AFCA. Tu veux dire le ou la présidente? La présidente, pardon. tu veux que je parte et que non, je prenne avec mon remplaçant. Tu sais plus bien que des trois têtes. C'est pas un lapsus, c'est juste que je ne connais pas tous ces noms. Donc non, ce sera un lapsus si je l'avais. Non, délégué, président, directeur, tsar. Il y en a un qui est bénévole, qui ne touche pas d'argent, puis il y en a un dont c'est le gagne-pain. Hein. Elle est là aussi. Donc toi, t'es maligne, c'est des sept gagne-pains. Voilà, moi, je gagne de l'argent. Et tu as bien, tu fais bien. Mais très bien, rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris. Est-ce que je pense qu'on a tout dit ? Oui. En tout cas, on a dit des choses. Et on va écouter parce qu'il y a des chansons qui sont importantes de réécouter assez régulièrement. Une chanson qui dit résident, résident de la République, où le rose a des reflets de bleu. Évidemment, Bachung, ces moments où on se pose des questions sur la République, c'est important. Donc, on écoute Bachung et on revient juste après pour parler avec nos trois invités. A tout de suite. Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Résident, résident de la République, couleur rose a des reflets bleus. Résident, résident de la République, des atomes, fais ce que tu veux. Parlerai-moi. Peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour je voguerai moi. Peut-être le jour où la terre s'entrouvrira. Hier on se regardait à peine. C'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, des atomes, fais ce que tu veux. Je sais pas, pas, pas, pas, pas, je sais pas, pas. Voilà, bulle de rêve, évidemment, Bachung, important toujours d'écouter Bachung. Vous me connaissez, vous le savez, c'est que je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire plaisir à mes invités, quels qu'ils soient, c'est quelque chose, j'aime bien qu'ils soient bien dans le ici, un peu avec nous. Donc je sais qu'il y en a un qui a eu une semaine, je crois, en tout cas une semaine dure, un peu compliquée. Donc j'aimerais juste, Nicolas, si on peut, je suis désolé pour ceux, ça va être très compliqué, mais juste, j'aimerais juste qu'on écoute une petite minute, vous allez comprendre, voilà, c'est juste le morceau, le truc qui est après. Une frappe directe. Six joueurs lyonnais dans la surface de réparation d'Iker Casillas. Coup franc joué par Juninho. Une frappe. Elle est déviée. Elle est déviée. Elle est déviée. Elle est déviée par John Carou. Oui, je crois qu'elle est déviée, cette balle, par John Carou. Et Lyon qui ouvre le score. 1-0. Allez, Juninho, il est à quoi, 35 mètres. Oui, et le plus. De la ligne d'Iker Casillas. Il a devant lui un mur à 3, elle tente à frapper. Le voilà. Et Roland Courbis avait raison. Coup franc de Juninho. C'est bien joué, Wilton, pour décaler. Ah oui, ah oui, ah oui, si, ah oui. C'est somptueux, c'est somptueux. Ah, c'est somptueux. C'est somptueux ce que viennent de faire là les Lyonnais. Loïc. Voilà, je sais, ça a été dur. Je suis désolé, c'est l'une des premières fois où je passe du football dans l'émission, je sais, mais Lyon a été éliminé. Ah, mais c'était quand même un match intense et il y avait une très belle ambiance. Donc voilà, je voulais. Donc ça, c'était Lyon-Real. Ouais, ouais. 3-0. J'ai appris que Real avec un super était coup franc de Juninho. Voilà, c'était la grande époque. D'ailleurs, je me suis rendu compte après que dans un des films dont on parlera un peu tout à l'heure, en fait, il y a un match de Lyon pendant tout le long. Ouais, c'était le 5-5 contre Marseille. Voilà. Qui était pas spécialement pour le 5-5, mais parce que je trouvais des extraits avec des commentateurs et que j'avais besoin d'une télé qui passe du foot. Enfin, donc ouais. Voilà. Donc c'était pour un peu, ça lui fait du bien. Il a entendu un petit peu, sachant qu'en plus j'ai lu, parce que je sais pas dedans, que Lyon là sont mal barrés parce que visiblement il y a un truc de l'UEFA, ils ont utilisé des trucs à la con. Donc peut-être qu'ils vont pas être qualifiés l'année prochaine. Donc là vous pouvez même pas imaginer à quel point Loïc est juste complètement, enfin c'est très très dur pour lui. Ouais, c'est possible qu'ils aient qu'une amende. Voilà, on verra. Ça y est, ça c'est fait. Je crois que c'est le 20 juin qu'on saura. On sera le 20 juin. Il sera juste après Annecy, c'est un peu dur, mais on va y arriver. Ça c'est fait. Donc mes trois invités qui sont là, allez, on va de suite enchaîner. Et J'ai plein de choses. Je vais te faire, s'il te plaît, Nicolas, je vais te demander juste l'extrait qui est juste après. Oh, oh putain, oh, elle m'a fait flipper, mon gars. Ah, mais là, c'est bon. Eh, hey, mais Dimitri, là, pourquoi tu filmes, là? Tu vois pas que tu viens de faire partir leur maman, là? Putain, ils sont tout seuls, maintenant, on est pire que la DAS, là. Vas-y, viens, faut que tu m'aides, faut qu'on les aide à retrouver leur maman, là. Ah, mais c'est bon, en fait, la mère, elle est posée juste en bas, là. Viens, on enlève ton t-shirt, on va les prendre dans nos t-shirts. Bah, t'es un ouf, on les prend avec les mains. Non, parce que si on les prend direct à la main, après, il y a un délire, genre, on met notre odeur dessus, et après, elle veut plus d'eux, je crois. Non, mais moi, c'est mort, mon gars. Mais de quoi c'est mort? Vas-y, on les ramène, là, je m'en bats les couilles. Mais t'es un ouf, je vais pas niquer mon polo pour des canetons. Sale baltringue, va. Eh, hey, franchement, c'est bon, tu veux que je sois dégueulasse devant Linda? Oh putain, non, ils sont passés où, maintenant, là? Tombé du nid, pardon. Loïc, je commence par toi. Oh, on sait, voilà, c'était le seul garçon, je commence par toi. On va reparler de Tombé du nid, film de fin d'études de La Poudrière. Avant l'M4, t'avais fait quoi? J'avais fait un BTS en communication visuelle à La Martinière, c'est une école à Lyon. Donc Lyon, ok, on comprend, ça y est, on relie les, voilà. On relie tout. Pourquoi tu te lances dans l'animation à un moment donné? Qu'est-ce qui te donne envie? J'étais en mise à niveau, et puis jusque-là, toutes les études que j'avais fait, on m'avait dit, bon voilà, je suis allé là, et voilà. Et il y avait un pote à moi, dans cette mise à niveau, qui avait été testé d'aller dans le DMA de Marseille. Et moi, on m'avait dit, oh, si tu aimes bien dessiner, va faire de la communication visuelle. Donc j'avais testé le BTS qu'il y avait dans l'école. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas du tout de dessin. En fait, on faisait plus de la mise en page, de typo, et on faisait un peu de la pub, des choses comme ça, mais c'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus. Et lui, je le voyais qui s'éclatait. Je me suis dit, j'avais jamais pensé à faire de l'animation avant. Je me suis dit, non, mais en fait, ça a l'air trop cool. Donc, en BTS, j'ai commencé à essayer de faire des projets d'animation, moi de mon côté, puis de tirer les projets, les exercices qu'on avait vers de l'animation pour pouvoir postuler à une école. Voilà. C'est là d'où vient, alors, j'aurais dire le bon titre, c'est toi chez moi? C'était cette époque-là, ouais. C'est de cette époque-là où, en fait, c'était un projet où, je crois que le thème, c'était la porte. Et en fait, c'était un projet où, qui comptait pour notre diplôme pour le BTS. Et en fait, la contrainte, c'était qu'il fallait utiliser du son. Et du coup, j'ai fait un dessin animé pour pouvoir mettre du son, quoi. Est-ce que je me plante si je dis, j'ai l'impression que, évidemment, il y a l'un des sujets récurrents qui est l'amitié dans le film, en tout cas, voilà, entre les êtres et ouais, l'amitié. Et tu fais souvent des films, j'ai regardé déjà à l'MK, même à La Poudrière, il y a un film qui est co-réalisé. T'aimes bien co-réaliser, t'aimes bien travailler avec d'autres personnes. J'ai l'impression que l'équipe est aussi important, même si maintenant tu travailles seul. Je regarde, hein, si je te dis ça, c'est parce que bon, il y a les Canal G, mais il y avait quoi d'autre, j'ai oublié le nom évidemment, mais il y avait, bon, je repasserai, attends, je vais retrouver tous les noms parce que j'ai quand même fait bien, je repasserai dans la semaine, Ibis. Okay. Qui est fait aussi, Ibis, qui est plus un exercice en fait, mais qu'on avait fait avec, ouais, Mathilde Parquet, mais bon, enfin, qui prend une forme de film, mais qui est l'exercice, plus, mais en tout cas, ouais, l'idée de travail à Arivadzarig. Alors ça, c'est qui est en effet aussi à qu'on avait fait avec Atam Racho, ouais. C'était aussi plus un exercice où on avait trippé, je crois, sur l'écologie. On avait fait des gens qui prient des tournesols et et voilà. Mais, oui, en fait, travailler avec des gens, je trouve ça cool parce que ça permet de pousser les projets vers des choses vers lesquelles on peut pas aller tout seul, de savoir que on a des points forts, mais on a aussi des faiblesses et les autres personnes ont des points forts complémentaires et ouais, qui permettent de faire, je pense, des films mieux si on est avec les bonnes personnes, quoi. Ouais. Mais c'est pas évident, si je dis ça, c'est qu'en animation, souvent, et très rapidement, les écoles que tu as fait, qui sont l'MK, puis ensuite La Poudrière notamment, sont des écoles où on peut travailler à plusieurs, la preuve, mais en tout cas, souvent seul, en tout cas, on a envie de raconter ce qui vient de nous et pas forcément avec des autres. Ouais, mais des fois, on est plusieurs à avoir envie de raconter la même chose. Et des fois, il y a des gens aussi qui n'ont pas forcément envie d'être complètement que réalisateurs. Donc, à La Poudrière, on réalise seul, mais on est amené à travailler avec une équipe, en fait. Donc, on a un petit budget pour pouvoir payer des gens en fonction des besoins qu'on a, en fonction du film. Et puis, à l'MK, en fait, j'avais travaillé sur le film de fin d'études avec Alizé Chola et Sophie de Vautour. Et je pense que ça s'est fait assez naturellement, où on a réussi à se répartir les rôles et en fait à être assez souvent d'accord, j'ai l'impression. Charlie, toi t'as fait les SAT, le DMA, l'MK et la poudrière. Donc on va voir, il y a des écoles qu'on retrouve. Est-ce que tu penses que ce parcours était nécessaire de faire évidemment c'est pas une critique, hein. Je vous entends déjà derrière en disant c'est juste, ça fait évidemment beaucoup d'années. Est-ce que tu trouves, et je t'ai déjà posé la question, qu'à chaque école en fait, il y a des choses qui se sont rajoutées dans ton apprentissage? Oui, moi j'ai pas en fait parce que enfin je pense que il y a des similitudes entre la poudrière et le DMA, mais j'étais très jeune quand je suis entrée en DMA, je connaissais pas du tout l'animation, je connaissais pas grand chose non plus au cinéma, donc c'était vraiment un premier pied et on était très encadrés, très entourés, et on a beaucoup travaillé la pré-production d'un film. Ce que j'ai trouvé assez passionnant, surtout pour démarrer, c'était aussi intéressant toute l'approche de la découverte en fait de ce que c'est que le cinéma d'animation. À l'MK, je suis entrée directement en deuxième année 2D, et donc c'était deux années on devait être très très rapide, très efficace. On avait une semaine d'exercice, d'atelier pour faire des petits films, donc c'était assez cool pour se lâcher, pour se libérer. Et la poudrière, pour le coup, c'est vraiment axé sur la réalisation. Donc là, on apprend à gérer un budget, à travailler avec d'autres gens, et aussi l'écriture, travailler avec des acteurs, voilà. Alors, j'y peux rien, je sais qu'elle a fait un très bon film de fin d'études à la poudrière qui s'appelle Blanquette. Elle a fait un film dans son temps d'école. Et je suis sûr que ça changera un jour. Je l'embête à chaque fois avec ça. J'avoue que mon film préféré, vous allez entendre juste un extrait, La PAO, et on revient après pour en parler. Donc merci Nicolas, pardon, je lance ça comme ça. Je veux pas me travailler comme ça, je veux dire. Bravo. C'est un bad. 5 à 4, Ah, quand même. Il parle. Abaisse le compteur à 4 ou relève-toi à 2 ou 3 en plus. Merci beaucoup. La prochaine fois, on dira un papier, un stylo. Un beau voyage, heureux qui comme Ulysse a vu son paysage et puis a retrouvé après maintes traversées le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante en cœur, qu'est belle la liberté. En fait, je me suis dit, faut que je passe Brassens dans cette émission parce que, c'est super important. Et cette fin de film, merci. Charlie me permet de passer Brassens, justement. J'ai l'impression tous les deux, et puis après, Loïc, tu pourras en parler. Enfin, c'est pas une impression, évidemment, vous partez de la réalité de manière un petit peu différente, mais quand même, vous avez cette base qui est importante. Toi, Charlie, c'est plutôt dans la captation directe et notamment du son, de cette liberté, comme là, la PAO, on l'a entendu, ou Blanquette, qui sont des captations directes. Comment tu travailles, justement? Ça, c'est important pour toi de travailler cette matière brute? Je pense qu'en fait, ça coule de source, parce que les envies que j'ai de départ pour faire des films, ça vient de la réalité, d'ambiance, de lieu et de personnes. Donc du coup, c'est naturellement que en fait, ce dispositif d'enregistrement vient vite, quoi. C'est compliqué, on imagine d'avoir des heures et des heures d'enregistrement, ou au contraire, tu essaies de te réduire? Blanquette, c'est sur un repas de famille. Est-ce que tu avais 40 repas de famille ou juste 3-4? Enfin, comment ça s'est passé? Alors du coup, forcément, j'ai un peu appris petit à petit au fil des films, mais c'est vrai que la PAO, j'ai passé vraiment beaucoup de temps. J'avais des heures et des heures et des heures. J'avais un peu travaillé avec une amie du Créadoc qui a vraiment une formation radio documentaire, qui m'avait dit, bon, ton film, il va faire 10 minutes, t'enregistres pas plus de 4 heures. Et bon, j'ai pas du tout... j'ai pas du tout réussi, donc après, c'est un peu... une montagne de sons dans lequel il faut se dépêtrer. Blanquette, j'ai fait 8 repas en tout pour ensuite 4 minutes de film, 4 minutes 30. C'est compliqué parce qu'on le verra avec Loïc qui lui prend souvent des moments comme ça, voilà, d'action qui se passe. On est dans un moment donné qui est pas réduit mais un petit peu dans le temps. Alors que toi, on a l'impression évidemment que c'est sur 2-3 heures, voire une journée peut-être pour la PAO, je sais pas, et que. Voilà, une journée, parce qu'en fait, on est quasiment là, non, à l'ouverture, ou en tout cas pas complètement, mais en tout cas, et puis on fait la fermeture, donc... Ouais, c'est un peu ça. C'est compliqué, ça, de jouer avec ce temps, comme ça, de réduire en quelques minutes une journée, plusieurs heures. C'est une bonne question. Non, je pense que c'est pas là que se trouve la difficulté, parce qu'après, c'est vraiment... c'est vraiment dans le ressenti aussi du montage, enfin moi du coup je travaille le rythme par le son et pas par l'image, donc la durée du film, le rythme du film se joue à ce moment là après ça bouge un peu quand je pose les images, parce que j'ai besoin d'avoir aussi une liberté une fois que le son est posé de pouvoir recaler les choses, mais justement, c'est un peu ma manière de travailler. C'est que je sens le temps d'un film par le son. Toi, Loïc, c'est un peu différent. Parce qu'en fait, tu travailles c'est souvent avec des acteurs. C'est pas là une captation. Comment ça se passe? Parce que tu pars de choses qui te sont arrivées, souvent. En tout cas, dans, évidemment, Tomber du Nid, qu'on a entendu un peu. Et je repasserai dans la semaine. Je passerai. Ouais, puis même dans le Zizi à Suzy. Même dans Zizi à Suzy, tout mais à fait. Ouais. Ouais, en fait, pour moi, ça a été assez pratique de lancer des films à partir de choses que j'avais vécues, soit en étant au centre, soit en étant un peu personnage assistant, on va dire, parce que c'était comme si dans la réalité, il se passait des trucs où soit dans l'instant, j'étais conscient que ça ferait un super bon film, enfin, super bon, ça peut être ça m'intéresse de faire ça, soit de dire plus tard, ah tiens, là, il y a des choses qui se sont jouées et qui m'intéresse dedans et que dans un court espace où il y a plusieurs enjeux qui se tissent, en fait il y a une histoire. Et pour ce qui est du rapport au son, ouais, j'aime beaucoup travailler avec des acteurs, c'est sûr. Pour revenir là-dessus, Tomber du Nid par exemple, puisque tu racontais, alors c'est deux personnages, c'est deux personnes hein, qui voilà, il y en a qui veut draguer une femme, une jeune femme, et puis il veut prendre en photo. Il y en a un autre qui lui dit, tu vas te prendre en photo avec des canetons, ça va être génial, elle va adorer ça. Ils font fuir les canetons et voilà. Et après, c'est leur relation à essayer de trouver ces canetons. Tu dis que c'est quelque chose qui t'est arrivé à Angoulême, plus ou moins. C'est, en fait, c'est parti d'une anecdote, en fait, où on a vraiment croisé des canetons avec un pote, Adrien Fromentail. Et après, en fait, on a voulu les sauver parce qu'on s'était dit qu'ils allaient mourir de soif où ils étaient. En fait, on a juste fait peur à la mère qui s'est envolée, les a abandonnés. Et après, avec d'autres potes, on a mis 2 jours à récupérer les canetons pour les ramener vers la mer. Mais après, à partir de cette anecdote, il y a plein de choses qui ont été transformées pour... En fait, là, c'est quelque chose qui s'est passé sur 2 jours, mais qui, dans le film, se passe sur une après-midi et avec des personnages qui sont transformés par rapport à nous qui on est et qui ont d'autres enjeux, un autre passé et qui vient rentrer en fait en résonance avec l'action qui se passe dans le film pour en créer du sens quoi. Non, on a l'impression, c'est-à-dire tu l'as noté parce qu'en fait ça se passe à Angoulême, ça se passe quand t'es encore à l'EMCA. Non, en fait non ça se passait, j'étais déjà c'était l'année enfin c'était pendant les vacances entre la première, la première année et la deuxième année de la Poudrière. Et en fait j'étais à l'EMCA pour parce qu'ils me prêtaient les locaux pour bosser sur un autre film, donc voilà. Donc t'arrives à la Poudrière et tu dis à Nick Tenin, Jean Pouvaret, je vais faire 2 types qui vont te chercher des canetons. Ben en fait j'hésitais entre ça et une autre histoire, et en fait c'est Laurent qui m'a poussé vers cette histoire avec les canetons, Il m'a dit que ce serait plus intéressant à travailler, et je pense que qu'il avait raison de me pousser dans cette direction. Au niveau des acteurs, juste Charlie, puis après tu vas répondre. Est-ce que toi tu diriges un tout petit peu ou non? Tu mets l'enregistreur sur la table et tu vois ce qui va se passer ou tu dis ça serait bien ou même pour faire une deuxième position. Est-ce que des fois tu te rends compte qu'il y a des gens qui ils savent que l'enregistreur est là donc ils font attention à ça puis qui se lâchent au bout de un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure? Du coup, pour la PAO, j'ai un peu dirigé parce qu'il y avait certaines choses que j'avais envie d'avoir et c'était une catastrophe parce que le personnage principal, Abdé, dès qu'il fallait jouer, en fait, il n'était pas du tout naturel. J'ai pas fait bien mon boulot, pardon. On pourrait dire la PAO, c'est toute une journée dans une épicerie, dans une boulangerie. C'est une pâtisserie orientale. Pâtisserie orientale, voilà, que tu connaissais, que tu avais envie de nous faire découvrir un petit peu, on va dire, l'endroit. C'est ça, en fait, c'est l'ambiance de cette pâtisserie et aussi la relation entre le père et son fils qui partagent tous les deux la gérance de cette pâtisserie. Donc voilà, donc là, comme tu disais... Et donc en fait, ça se fait sur le temps, hein, parce qu'au début, moi j'arrivais dans la pâtisserie avec mon Zoom, qui est un petit micro d'ambiance, et les vieux qui jouent aux dames, ils se marraient, parce qu'ils disaient, ah, il y a l'espionne qui arrive. Puis en fait, petit à petit, c'était... Ouais. Voilà, c'est pareil, le repas de famille, au début, le premier repas de famille, les conversations étaient très très dirigées. Ma grand-mère, pendant tout le repas, elle a parlé de la guerre, de son oncle qui avait fait je sais pas quoi. Et en fait, à la fin, après, quand j'ai éteint les micros, elle m'a dit, t'as vu, j'ai un peu trouvé des sujets de conversation parce que comme t'as pas de scénario, moi justement, j'ai... Moi, j'étais en train de me dire, bon, je vais complètement changer, je vais faire autre chose. Voilà. Et ce qui fait qu'après, on a, y a cette scène, enfin, il y a plein de petites scènes, voilà, d'anecdotes où elle prononce, même j'ai mal prononcé, humus, enfin, humus, voilà, au lieu de mousse, enfin, des choses comme ça. Et donc, ça, c'est par la suite, c'est ça, c'est les autres. Oui, moi, après, petit à petit, on a complètement oublié la présence des micros. Donc, après, c'est des choses très spontanées qui peuvent être récupérées. Toi, Loïc, il y a une... Ouais, à chaque fois, enfin, dans tous les films, on sent que t'aimes travailler. C'est-à-dire, quand on parlait, Suzy, qui est donc un film pour Kanaji, hein, que vous faites, enfin, en tout cas, pour les sports de l'animation. Puis même après, on pourra reparler, on parlera du diptyque, hein, le ventre plein. Ça y est, j'ai oublié le nom, évidemment, juste maintenant, avant d'être Philomène, pardon. Mais dans tous les ans, voilà, on sent qu'il y a ce plaisir, en tout cas, ce bonheur, je sais pas, de travailler avec des acteurs, c'est vrai. Bah ouais, parce qu'en fait, y a un moment, on écrit un scénario, on a une histoire, et nous, quand on est dans le dessin animé, on a un rythme qui est pas du tout celui de la vie. En fait, on va faire deux secondes en une journée, ou peut-être plus dans certaines prods qui sont un peu industrialisées. Mais quand on anime image par image, sans trop savoir où on va, on n'est pas très rapide. Et en fait, quand on a une voix, un acteur, il dit le texte et ben voilà, t'as le rythme qui est déjà là, t'as sa respiration, t'as le mouvement qu'il a fait vers le haut à tel instant qui va te donner une indication sur comment animer. Et en fait, je trouve que c'est des journées où le film avance vachement d'un coup et où il prend une teinte qui va garder jusqu'à la fin, quoi, en fait. Et c'est super intéressant. Puis, ouais, tout ce que les gens apportent, en fait. Pour le film. Je pense que ce qui a dû plaire à beaucoup de gens aussi dans Tombé du Nid, qui marche très bien, qui a eu encore un prix là, à Bru, c'est aussi d'un seul coup ce regard tendre qu'on a sur deux personnages, pas caricatural, qui sont. D'ailleurs, tes iPads, les temps jolivés ou quoi que ce soit, il y en a qui veut draguer une nana, enfin c'est clair, enfin c'est. Voilà, il y a un côté, il y a cet accent entre guillemets des banlieues, c'est ce parler qu'on entend, et à la fois une vraie, je sais pas, sensibilité, je trouve, par rapport à ça, qu'on est loin des, je sais pas, des Lascars ou même des choses comme ça, où de suite on est dans une caricature, je sais pas. Est-ce que ça c'était important pour toi aussi, ou c'était normal, pareil, c'est quelque chose qui est une évidence? Là maintenant, j'arrive plus à dire si ça s'est fait complètement consciemment ou pas. Je pense qu'il y a eu un moment où j'ai eu besoin de décaler les personnages par rapport à nous qui avions vécu l'anecdote, en allant puiser en fait plus vers d'autres potes à moi, dans la façon de parler, dans la gestuelle et puis même de gens que j'ai vus à côté pour créer un contraste en fait entre justement ces personnages qui sont un peu bruts et une action qui font qui est assez tendre au final et je pense que ça aurait pas forcément marché pareil autrement. Après l'accent, je m'étais pas forcément rendu compte que c'était un accent vraiment de banlieue. Je me suis juste dit bon bah je vais prendre un truc comme je parle avec des potes et écrire les dialogues en vachement en les parlant en fait et trouver déjà un rythme là avant le travail avec les acteurs qui après se sont aussi appropriés rythmiquement le texte différemment. C'est peut-être ça qui fonctionne aussi, c'est que justement il n'y a pas eu d'aller vers un certain style, d'aller vers un parler que finalement c'est des amis à toi, non c'est ça qu'on fait les voix non, ou en tout cas c'est des gens, pas des acteurs forcément. Acteurs, c'est Noé Mercier et Théo Costamarini qui en fait qui sont venus, on a enregistré pendant une journée. Les deux étaient ensemble. Ouais, en ça, fait, ils se connaissaient avant, ils ont enregistré ensemble. Et j'avais d'abord trouvé Noé pour le rôle de Dimitri. Et je lui ai demandé s'il connaissait quelqu'un qui collerait. Et en fait, il m'a conseillé Théo, qui avait fait la même école que lui. Et qui en même temps était assez proche du personnage déjà dans la vraie vie. On peut parler du diptyque, le ventre plein, avant d'être Philomène, ce que j'ai appelé moi un diptyque, je sais pas si tu l'as fait comme ça, ou qui parle de nourriture, de rapport qu'on peut avoir avec la nourriture. Il y en a un qui est fait avec le Créadoc, c'est ça? Non. Non, pas du tout? Non. C'est ce que j'avais cru lire sous le... Non, pas du tout. Je me suis trompé alors. Vas-y. En fait, c'était à l'MK où il y avait on avait un atelier qui s'appelait le rallye d'anime. Et du coup, moi j'étais en section 3D à l'MK et pour situer, le rallye d'anime vient au cours de la deuxième année. C'est un atelier où on doit faire un film de plus de 3 minutes, je crois, en une semaine. Et moi, j'ai envie de raconter quelque chose parce qu'en atelier, en 3D, on avait beaucoup d'ateliers techniques. Et là, c'était enfin une semaine pour réaliser un peu plus expressive. Et en fait, il se trouvait que depuis une année à peu près, j'avais une pote qui avait commencé à me parler de boulimie. Alors moi, au début, je savais même pas ce que c'était et bon, je posais plein de questions en fait, en mettant vraiment les pieds dans le plat, je pense. Et puis ça a duré sur plusieurs mois en fait, où des fois je repensais à ce qu'elle m'avait dit et en fait je me rendais compte que je captais pas pourquoi tel truc ou pourquoi telle autre façon de faire. Et en fait, je me suis servi de l'atelier donc du rallye d'anime pour essayer d'exprimer ce que elle m'avait expliqué. Voilà. Et suite à ça, en fait, j'ai une prof, Marie Doria, qui m'a mis en contact avec une association qui s'appelle Partager Écoute, avec notamment quelqu'un qui s'appelle Jacqueline, et qui, elle, était intéressée par aborder des sujets sur l'anorexie, mais aussi, enfin, sur la boulimie aussi, enfin, plusieurs troubles du comportement alimentaire, et en fait, de faire un film qui pouvait proposer une sorte de piste de sortie de ça. Et en fait, moi je me suis dit ça m'intéresse, mais en fait j'y connaissais absolument rien à l'anorexie, j'avais pas de ma pote m'avait pas parlé de ça. Donc de fil en aiguille, j'ai été en contact avec Philomène et qui m'a du coup que j'ai interviewé sur le principe du Créadoc. Et en fait qui m'a, parce que moi comme j'avais pas le temps pour apprendre hors de la fabrication du film, il fallait que j'ai quelqu'un qui puisse me parler vraiment de son parcours. Et elle, c'était quelqu'un qui avait, qui a eu une vie assez dingue, qui en fait voit aujourd'hui l'anorexie comme une façon d'exprimer des questionnements existentiels qu'elle a eu et des questionnements qu'elle a toujours et qu'elle exprime aujourd'hui dans la sculpture, mais qu'elle a exprimé aussi dans la boxe, dans la peinture, dans la danse. Enfin, c'est quelqu'un qui a eu un parcours assez fou et qui a une vraie force de caractère. De manière un peu rapide tous les deux, parce que le temps passe et évidemment il y a Marie que j'aurais faire parler sur deux choses différentes. Est-ce que pour vous ça important d'avoir, est-ce que vous considériez comme deux cinéastes, alors politique je sais pas, mais engagé, est-ce que vous considérez que dans le cinéma que vous faites vous essayez en tout cas voilà d'avoir un engagement par rapport à la société, au reste des choses qui se passent autour de vous? Charlie? Je pense d'une manière ou d'une autre on est obligé en fait, mais c'est pas forcément l'idée, c'est pas forcément de faire des films qui véhicule un message direct, mais il y a forcément un point de vue qui transparaît. Et Voilà. Loïc ? Je suis d'accord avec cette idée qu'il y a un point de vue qui transparaît. Après, moi, j'ai pas la sensation d'être particulièrement engagé dans mes films. Mais c'est peut-être ça, en fait, on en reparlera un jour, mais peut-être le nouvel engagement aussi dans l'animation, c'est qu'en effet, pendant longtemps, voilà, il n'y avait pas forcément d'engagement, il n'y avait pas cette prise avec le réel, qu'il ne faut pas qu'elle ne reste que là-dessus, parce que l'animation, et c'est fabuleux, est aussi, et on va en parler, la technique, et c'est aussi le bonheur de cette technique, mais peut-être aussi cette approche, une nouvelle approche du réel qu'on avait peut-être un peu moins avant, qui d'ailleurs, des fois, est peut-être un peu trop présente. On le voit à Cartoon Movie où la plupart des longs métrages maintenant dits adultes sont en fait que des choses qui nous parlent de l'histoire contemporaine, mais je sais pas, il y a un rapport avec le réel qui est différent en tout cas aujourd'hui dans l'animation, ça c'est sûr. J'ai l'impression qu'il y a aussi une vague de documentaires animés qui est très présente en ce moment là depuis quelques années, donc ça, forcément ça agit aussi. Allez, merci beaucoup, on fait une petite coupe pour après retrouver évidemment et vous deux et Marie de la Parent. On va faire une petite coupe, il fallait évidemment, on est dans petit à petit la rébellion revient, on avance et donc on va écouter leurs ventres sont pleins alors que nous nous avons faim évidemment, enfin pas évidemment parce que c'était pas évident avec la traduction, c'est Bob Marley, on écoute ça et on revient dans 5 minutes, à tout de suite. Bye. voilà, c'était Bob Marley, forcément. Et puis Bob Marley, il est mort il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était le 10 mai 81, Mitterrand arrivait au pouvoir. Marley mourait, c'est pas très beau. À ce moment-là, je ne sais pas si c'est un rapport, mais en tout cas, voilà. Est-ce que, Nicolas, on a quasiment arrivé à ce truc de avec tous ces extraits, est-ce qu'on peut écouter l'extrait qui est juste après, qui doit être le numéro 13, si je ne dis pas de bêtises? N'ont pas de chance, des fois je fais des fixations sur un de leurs films ou des trucs comme ça, et après je reste pendant longtemps là-dessus. Ce que vous venez d'entendre, ce bruit un peu bizarre, s'appelle les mini-films. Tout à fait. Marie. donc Marie Labaran, tu l'as pas fait tout seul, tu as pas fait, c'était des exercices que tu faisais. Ouais, en fait, c'est une petite vidéo que j'avais faite avec Soline Fauconnier, la réalisatrice avec qui j'ai fait mon film de fin d'études à l'EMCA, et qu'on a aussi co-réalisé avec Alexandre Cluchet, qui était pas de l'EMCA, qui était extérieur. Et en fait, les mini-films, c'était une sorte de bout à bout de tous les petits tests d'animation qu'on avait fait pendant l'année. En fait, à nos pauses déjeuner, on se faisait plaisir, on racontait des petites histoires, on se disait, bon, allez, j'ai une heure pour faire un petit truc. Et c'était le moment d'avoir une espèce de petite carte blanche où on expérimentait plein de choses. Et en fait, à la fin de l'année, on a fait un espèce de bout à bout pour notre jury. Et au moment du jury de fin d'études, on a projeté notre film de fin d'études, puis on a montré ce truc-là. Et en fait, dans les commentaires des jurys à la fin, on a vu, oui, le film de fin d'études, bon, c'était intéressant, mais les mini-films, vraiment, c'était super. Et en fait, ils avaient que retenu cette espèce de bout à bout de radis animés et de petits bateaux en papier et de décès divers et variés. Je crois que je pourrais poser la question à Loïc juste après. Ce qui m'a marqué quand j'ai regardé, alors souvent ce qu'on regarde, hein, quand on a de la chance aujourd'hui, il y a Vimeo, il y a pas mal de choses, c'est le mélange et le plaisir que tu as de toutes les techniques que tu utilises. Ça peut être la couture, hein, dans Catharsis, Pénélope, il y a de la couture, dans Malice, c'est de papier découpé, il y a plein de choses, on a l'impression, il y a un vrai bonheur, mais vraiment, de jouer avec toutes ces matières. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te plaît dans l'animation aussi? Ouais. Moi, je pense que si j'ai pas de plaisir au moment où je fabrique le film, eh ben, ça vaut pas la peine de le faire, en fait. Parce que quand on est réalisateur de films d'animation, on passe tellement de temps à faire des films tellement courts qu'il faut vraiment que le moment où je le fabrique soit un moment de plaisir. Et en fait, moi, en l'occurrence, ça m'intéresse pas de faire mon animatique et ensuite de juste exécuter ce que j'ai déterminé à l'avance dans un style assez léché. Je préfère laisser une grosse part à l'improvisation aussi au moment où je fabrique le film et pouvoir me permettre aussi de mélanger plein de choses et d'essayer des trucs au moment où je commence ma journée de tournage, quoi. On a l'impression qu'à chaque nouveau truc, je regarde, hein, c'est Carrefour de l'anime, il y a du sable, il y a les mains qui bougent, etc. Donc il y a ça, et il y a peut-être quelque chose aussi, je parlais à Loïc, je disais des fois c'est un peu exceptionnel, mais que j'ai l'impression de retrouver, c'est le travail en équipe. J'ai l'impression aussi qu'il y a, même si pareil, tu peux travailler seul, mais il y a ce plaisir aussi de travailler avec d'autres personnes. Partager est important comme ça. Et en l'occurrence, quand j'étais à l'EMCA, on a eu beaucoup d'occasions de travailler en équipe. Et moi, en fait, c'était un peu terrible parce qu'à chaque fois, j'avais envie de travailler avec Soline. Et en fait, du coup, on avait des envies assez communes, justement, dans l'envie de se faire plaisir sur la technique, de passer du temps à choisir un peu ce qu'on allait raconter sans pour autant forcément construire quelque chose de très écrit ou de très carré. Et du coup, en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec cette réalisatrice là plutôt qu'avec avec d'autres personnes, mais j'aime bien travailler avec des gens. on parlait pendant la pause, on parlait d'engagement, qu'est-ce que c'est l'engagement, et c'est vrai qu'on pourrait croire assez facilement si on regarde les films qu'il n'y a pas un engagement, on va dire, par rapport au réel. Et à la fois, ce qui me plaît énormément dans ton cinéma et dans ce que je vois, c'est que pour moi il y a quelque chose qui se perd de plus en plus, qui est la matière, on vient d'en parler, et que j'ai l'impression qu'il y a cette c'est peut-être pas une obligation, t'aimes ça comme tu dis, mais vraiment de garder cette manière, de garder ce plaisir. Non, je me souviens de l'enfance, hein, c'est ça, je dis le bon titre. Qu'est-ce que son voilà. Je me souviens de mon enfance. Il y a vraiment ce plaisir de jouer avec ça et. Ouais, bah pareil, en fait, quand je fabrique le film, moi j'ai vraiment envie de mettre les mains dedans et de mettre les mains à la pâte, en fait, ça c'est quelque chose qui est super important pour moi, et dans ce film-là, en fait, j'ai voulu faire un film en stop-mo avec de l'eau, et ça c'est vraiment une idée horrible quand on y pense, parce que c'est pas forcément la technique adaptée à représenter ça, et en fait du coup j'ai dû passer beaucoup de temps à trouver comment j'allais représenter l'eau avec ce dispositif là et ça c'était un vrai plaisir parce que j'ai passé quasiment un mois à essayer des matières, des liquides, à me rendre compte que quand je remplissais un saladier avec du liquide vaisselle c'était super, et que quand je mettais de la colle à papier de pain dedans ça faisait quelque chose de beaucoup plus visqueux, et que du coup j'allais pouvoir le faire bouger d'une certaine manière pour essayer de retranscrire une mer plus agitée qu'une autre, des choses comme ça. Donc moi ça c'est quelque chose qui m'amuse énormément et qui m'intéresse beaucoup. Loïc, est-ce que toi, si je te dis aussi pas Charlie a un style un petit peu plus qu'elle utilise dans ses films, et d'ailleurs c'est intéressant avec les trois personnes que j'ai là moi autour de la table, c'est de voir à quel point dans l'animation aujourd'hui il y a des chemins qui sont vraiment très très différents, et de plus en plus je trouve, et on parlera aussi avec Marie parce qu'elle fait les gobelins en production, et donc ça m'intéresse de savoir aussi pourquoi. Loïc, toi aussi on a l'impression il y a beaucoup de choses complètement différentes, de techniques. Alors technique c'est souvent du dessin on va dire, mais en tout cas graphiquement tu vas dans plein de sens différents. Bah, je pense que ça vient que j'ai essayé de faire des graphismes qui s'adaptaient à l'histoire du film, d'essayer, enfin, que ça puisse servir la mise en scène qu'il fallait en fonction de cette histoire. Après, là, j'ai l'impression de commencer à avoir un truc qui s'établit un peu plus actuellement, qui vient aussi, je pense, du fait que je raconte des choses peut-être avec un ton plus naturaliste, sans un décalage vraiment marqué dessin animé, enfin que j'ai quelque chose qui est plus spatialisé dans la mise en scène, et j'ai l'impression que pour continuer à avoir du changement dans le style, j'aimerais bien justement commencer peut-être à bosser avec des styles graphiques qui sont pas forcément les miens. Ouais, tu te vois bien, y a un peu une peur à un moment donné de tomber dans un style qui serait toujours le même, on va dire. Je sais pas si c'est une peur, mais peut-être un ennui. Enfin, ouais, je pense que ça m'ennuierait. Et en même temps, là, j'ai l'impression que dans moi, les capacités que j'ai, je commence à être un peu contraint à ça. Surtout que, à côté de ce que je fais en animation, je dessine pas du tout. Donc, en fait, j'expérimente pas trop d'autres choses. Et je pense qu'il y a des gens qui de toute façon, ont des capacités meilleures. Et voilà. Tu fais partie de ces rares personnes qui font pas des croquis, des carnets de croquis tout le temps. J'en faisais avant, mais là. Tiens, bah, j'en profite, allez, je vais faire quelque chose. Je sais que vous devriez normalement, ça c'est pas avant un quart d'heure, mais je vais le faire parler. Comme ça, vous allez être content. Vous allez enfin entendre la voix de Francis Gavel. Ça fait Francis. Si je te dis, tu peux comme tu veux, tu viens là ou tu veux pas. Si je dis que le style de Charlie, en fait, c'est un style, parce qu'on peut croire que c'est le style qu'elle m'aime. Alors je vais te demander de faire court, ce qui va être dur avec toi, je sais, mais parce que t'as plein de choses à dire. Si je te demande ça, c'est parce que j'avais oublié, mais j'ai revu, j'ai fait évidemment mes recherches, et donc vous avez collaboré un tout petit peu ensemble sur les fiches cinéma, parce que pour un cartoon movie ou un cartoon, en tout cas, voilà, à l'époque. Donc c'est pour ça que je te demande d'intervenir. Et j'ai l'impression que le style graphique peut se ressembler, mais avec des différences entre chaque film, avec plus de vide des fois dans le trait, avec des fois au contraire elle emplit plus la feuille de dessin. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce style graphique de Charlie, puisque tu as fait appel, enfin vous avez travaillé un petit peu de manière voilà, ensemble. Oui, alors c'était effectivement, alors c'est l'époque aussi où Loïc faisait encore des croquis quand il était quelque part, quoi, puisque c'était au Cartoon Forum, et j'avais demandé, en fait, pour illustrer donc mon compte rendu du Cartoon Forum, plutôt que de mettre des images des films ou des projets que je trouvais plus intéressant, je les voyais sans arrêt en train de dessiner, plus intéressant d'avoir effectivement des croquis, et puis de mettre en avant de nouveaux auteurs et des auteurs qu'on suivrait ensuite. Pour revenir après par rapport à Charlie, moi c'est vrai que je trouve que ce que j'aime beaucoup dans ton travail, en fait, c'est à la fois ce sens de l'épure dans le trait et cette capacité parfois à surcharger l'image. Moi, je pense à No Sex, No City, où je trouve qu'il y a énormément de choses dans l'image. On en a partout si on a envie de regarder. Notre regard est à la fois très guidé parce que tout se suit, tout est. Il y a une chorégraphie encore plus qu'une mise en scène. Donc, on va d'un endroit à un autre, mais en même temps, plein de choses se mettent en œuvre, se mettent en place et à contrario ou en regard, comme ça, je pense aussi au Apollinaire. Au coin, tout à fait, oui, qu'on peut. Voilà, ou d'un seul coup, je trouve que, effectivement, là, on est sur des choses beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus dépouillées. Et ce qui m'avait frappé quand j'avais vu le film la première fois, c'était comme ça aussi une dimension mélancolique qui s'affirmait peut-être plus fortement, même si elle était présente dans la PAO déjà, mais qui est en même temps qui était sollicitée par le fait de travailler avec de la couleur, alors que chez Charlie, jusqu'à présent, moi, ce que j'avais vu à ce moment-là, c'était du trait, c'était du noir et blanc. Quoi. Je sais pas s'il y a quelque chose à dire après ça, Charlie. Non, mais c'est des questions que j'ai en permanence aussi de dessin, de couleur, de comment remplir l'image. Quelle place laisser au son. Moi, j'ai aussi vachement envie de changer un peu, d'aller vers des masses plus noires, d'aller vers vers de la couleur. Et en même temps, c'est vachement dur, je trouve. Et petit à petit, j'avance. Mais bon, sûr qu'à chaque fois, on me dit « Ah oui, je reconnais bien, c'est ton style. » Et là, à chaque fois que je veux faire un nouveau film, je me dis « Bon, je vais changer. » Voilà. Marie, toi quand on regarde en 3+1, est-ce que tu te poses des questions? À chaque fois c'est différent, est-ce que justement on peut se poser des questions de se dire oh là là je change de style à chaque fois, est-ce que ça va être compliqué pour trouver du boulot par exemple, surtout que t'es dans le volume, ce qui est déjà pas évident pour trouver du boulot, c'est une question que c'est une question que je me pose souvent. Et par exemple quand j'ai fait des shortcuts, après c'était un peu l'occasion aussi d'essayer d'autres choses, de revenir un peu vers la 2D, puis en fait après de revenir un peu vers de la stop-mo, et moi c'est vrai que c'est une question qui me préoccupe pas mal. Et en même temps, à chaque fois que je fais un film, en fait, j'ai une idée assez précise. Enfin, au bout d'un moment, quand je creuse, il y a une image assez précise qui s'impose à moi. Et je sais que le film, je peux le faire que dans cette technique-là et pas une autre. Et en fait, ce sera peut-être une technique que j'ai jamais essayé avant. Par exemple, pour le shortcut que j'avais fait pour le film Tigre et Dragon d'Ang Lee, c'était la rotoscopie. Et je savais que je voulais le faire avec cette technique-là. Et alors que c'était un truc que j'avais jamais expérimenté avant, quoi. Mais pareil, c'est un grand plaisir, et même si ça me fait un peu peur parce que j'ai pas de style, et ben c'est quelque chose qui me plaît. Mais est-ce que c'est quelque chose justement quand tu fais de la commande qui peut intéresser les gens, de dire bah voilà, je suis assez ouvert à plein de choses finalement, et que du moment qu'il y a entre guillemets du bricolage, parce que ça va plus loin que ça, mais en tout cas voilà, des jeux avec les matières. Ouais, alors justement pour la commande, c'est compliqué quand par exemple on veut proposer quelque chose à un client ou à un commanditaire, parce que c'est ça, moi j'ai pas de style, donc ça va un peu être la surprise, quoi. Donc faut que la personne en face soit consciente de ça et qu'elle ait envie d'aller vers ça, mais du coup ouais, c'est un peu compliqué, mais je pense que il y aura quelque chose de plus clair qui va se dégager aussi quand j'aurai fait plus de choses, quoi. Il y a une problématique, on en parlait avant l'émission, évidemment, qui est quelque chose de fort chez les jeunes réalisateurs, mais même chez les réalisateurs un peu plus âgés, c'est le problème, qu'est-ce qu'on attend d'un producteur, qu'est-ce que la relation avec le producteur. C'est pour ça que t'es rentré au Gobelin pour en apprendre un peu plus sur le métier de la production. Ouais. Moi, il y avait un peu de ça. Et en fait, j'ai vraiment eu envie d'entrer au Gobelin pour faire de la production à partir du moment où j'ai travaillé avec des producteurs, en fait. J'ai trouvé que c'était super intéressant comme métier. Et j'ai posé à plusieurs de mes producteurs la question de « Mais en fait, toi, qu'est-ce que tu fais pendant tes journées ? Ça consiste en quoi, ton métier ? Qu'est-ce que tu fais pendant que moi, je fabrique le film, quoi, pour le film ? Qu'est-ce que tu fais vraiment qui apporte des choses au film ? Parce que je me rendais compte que c'était un rôle qui était essentiel, mais je comprenais pas du tout ce que le producteur faisait pour le film, en fait. Et du coup, bah, cette année, ouais, ça m'a apporté plein de réponses vis-à-vis de ça. Et à la base, je pensais que ça me plairait vraiment et que je voudrais faire de la prod et arrêter de faire des films, et en fait, faire des films en faisant de la prod et en les produisant. Et en fait, au bout de 2 semaines, je me rendais compte que c'était pas du tout mon truc. Et que moi, je préférais faire mes trucs de colle à papier peint et de petits bouts de sac plastique. Là, c'était... Ça, donc, t'as continué quand même, mais voilà, ouais. Tout en sachant très bien que... Ouais, et c'est une année qui me plaît beaucoup et qui m'intéresse énormément, même si je sais que moi, contrairement à mes camarades, je veux pas du tout être chargée de prod, assistante de prod, productrice ou quoi que ce soit. Et ça fait du bien de faire une année, quand on fait beaucoup d'écoles comme ça, d'un seul coup, de faire une année où on est un peu pas plus libre, parce qu'il y a quand même du boulot, il y a des cours, mais de se dire finalement la fin de l'année c'est pas grave parce que ça va pas rentrer. Alors à la base je le faisais un peu pour ça aussi en me disant bon c'est une année où voilà ça va me laisser le temps, je vais pouvoir réfléchir à des projets personnels, peut-être mûrir un peu, je sais pas, rencontrer des gens qui font pas de l'anime et ça me fera du bien. Et en fait on se fait très vite emporter par le côté assez scolaire des cours et puis le rythme très soutenu aussi de l'alternance et puis c'est très compliqué en fait sur une année d'avoir à gérer à la fois l'école et le travail, et en fait on est en permanence en train d'essayer de retrouver ses marques entre les deux et c'est assez fatigant mais c'est super intéressant. Et du coup en fait moi c'est pas du tout une année où j'ai eu le temps de souffler ou quoi que ce soit, au contraire c'était assez éprouvant et j'aurais pu me dire aussi bon vu que j'ai pas envie d'être productrice en sortant, il y a pas beaucoup d'enjeux pour moi, c'est pas grave si je termine pas les choses que j'ai à rendre avant la fin de l'année ou quoi, mais moi je crois que j'ai trop le côté bon élève qui fait que je veux quand même essayer de cartonner dans le truc et avoir une mention, donc non j'y arrive pas du tout. Alors je connais l'émission d'après, l'animateur d'après est terrible, donc je pense qu'on n'aura pas 30 secondes ni 10 secondes de plus, même si je suis persuadé qu'il aime bien les gens qui sont dans le studio. Mais donc on va juste finir rapidement, il nous reste 5 petites minutes pour finir sur les projets. Charlie, si je dis pas de bêtises, donc il y a un projet qui s'appellerait Fatou Ndof, c'est ça, non? J'ai trouvé ça sur Cyclique, hein, qui revient un petit peu. Alors on peut le dire, quand tu étais à l'ESAT, tu avais un projet qui était déjà c'était déjà Sénégal ou c'était oui. Ouais, c'était déjà ça. Donc c'est un pays où tu as vécu, c'est ça, et donc là ça sera un projet qui revient sur ça, sur ce moment de vie au Sénégal. Non, c'est c'est lié. Du coup moi j'ai passé mon adolescence au sud du Sénégal, en Casamance, et donc quand j'avais 13 ans, j'ai rencontré Fatou, donc qui est devenue une amie très intime et qui maintenant est en France, s'est mariée avec un Français. Et en fait, c'est un peu l'histoire de cette amie, donc ce voyage en France et aussi le retour qu'elle fait dans son pays et l'appréhension qu'elle a par rapport à sa famille, par rapport au regard de ses proches, du voisinage sur sa nouvelle vie de Française immigrée. Toujours le besoin, comme tu disais, de partir de quand même de gens donc autour de toi. C'était important ou parce que le premier projet était plus libre, on va dire. On suivait une radio à travers une ville, si je me souviens bien. Là, on retourne sur quelqu'un que tu connais. Tu l'as enregistré, tu l'as interviewé. Ça se passe comment? Ouais, en fait, c'est encore vraiment en écriture. Donc, pour l'instant, j'explore parce que c'est elle et aussi ses deux sœurs. En fait, c'est l'histoire aussi d'une famille parce que c'est trois sœurs qui ont ce même destin d'être venues en France et de s'être mariées avec des Français. Et donc, et aussi l'histoire de leur mère qui est restée seule là-bas. Donc voilà, pour l'instant, je suis vraiment en écriture, mais effectivement, petit à petit, ça se resserre. Enfin, je pense que moi aussi, mes centres d'intérêt se resserrent aussi sur les histoires de personnes, en fait. Ça fait du bien de revenir... T'es pas obligé de répondre. Ça fait du bien de revenir à une durée un peu plus longue, 10 minutes, 15 minutes. Moi, ce que j'aime dans la PAO, justement, c'est ces moments donnés où on ne sait pas ce qui se passe. Enfin, voilà, où il y a des petites suspensions dans le temps, qui a peut-être un tout petit peu moins dû aux 3 minutes, évidemment, dans Blanquette ou dans Le Coin, évidemment, puisqu'on est obligé. Alors, Le Coin est un peu différent, mais en tout cas, dans Blanquette, est-ce que là, parce que je vois sur le site, il est marqué 10, 15 minutes. Donc, c'est reprendre un peu de l'espace, justement, ou non, c'est parce que tu as beaucoup de choses à raconter, que je ne sais pas. Non, je pense que c'est vrai que je me sens plus à l'aise dans un format un peu plus long. Après, à Cyclique, j'ai un peu. Je me suis dit, oh là là, mais en fait, c'est un long métrage, mon truc, ça va pas du tout. Donc, après, il faut resserrer et trouver la bonne durée. Je pense que c'était bien aussi hein, de faire Le Coin et de faire Blanquette qui sont sur des courtes durées pour apprendre ce que c'est. Mais là, oui, je suis contente d'avoir cet espace. Loïc, à part attendre le 20 juin pour savoir si l'OL pourra faire pour un joueur en foot l'année prochaine. Est-ce que tu as des projets de cours? Tu travailles où en ce moment? En ce moment, je travaille avec Caribara en storyboarder sur la cabane à histoire. Et j'ai un projet de cours que je vais faire en résidence à Cyclique aussi. Pour le moment, je commence à voir un peu ce vers quoi je veux aller. Mais j'essaye de rester assez silencieux dessus pour bien cibler tout ce qui m'intéresse avant de vraiment en parler. C'est toujours quand même des choses un peu personnelles ou pas trop? C'est sans en dire trop, juste est-ce qu'on est un peu dans la même veine que tomber du nid ça s'éloigne un peu parce que c'est inspiré de choses que j'ai pu voir, mais c'est je pense que ça va s'en éloigner un peu, sachant qu'il va y avoir je pense des thèmes qui reviennent, un ton qui revient, qui sera moins de la comédie que tomber du nid, je pense. Peut-être que ça va changer, mais c'est pas une histoire qui m'est arrivée personnellement, c'est plus quelque chose qui est arrivé à quelqu'un que je connais, dans lequel je me projette et que je transforme en grande partie. On revient dans un format un peu plus long? Ouais, a priori, ça va être plus long, là. Marie, toi qui jettes la production et qui ne veut pas faire revenir à tes matières et à tout ça, toi, tu as tes envies de cours aussi ou de série, je sais pas. Je vois bien aussi dans une série, c'est pour ça, je me dis, ça pourrait être. J'aimerais bien refaire quelque chose. J'ai des petites pistes, mais je pense que j'ai besoin de temps aussi pour vraiment écrire, creuser et réussir à définir ce qui m'intéresse dans cette petite idée que je trouve rigolote à la base. Des choses comme ça, quoi. Donc pour l'instant, c'est des balbutiements. Merci beaucoup à tous les trois. On aurait pu parler encore pendant très très longtemps, mais évidemment sa douce voix va bientôt arriver et bientôt voilà, il se fait la voix. Vous savez, comme tous ces grands, un peu, c'est un peu le Mick Jagger de l'animateur. C'est un peu, enfin voilà, Francis Gavel arrive bientôt. Ce qu'on va faire, c'est que j'avais deux morceaux pour finir. On avait Revanche de Bobby Lapointe. Vous savez, ce type qui fait la manche pour payer un croissant à son chien, ça fait le bourgeois, ça fait chier le bourgeois d'en face. C'était plutôt pas mal. Mais on va peut-être finir parce que je crois qu'il faut qu'on reste un petit peu fou. Donc on va finir et puis permettez-moi, je l'ai déjà fait, je vais pas vous embêter trop longtemps, mais voilà, je vais dédier cette émission à mon papa qui aurait eu 70 ans l'année normalement le mois dans 15 jours. Il ne les aura jamais, mais je lui dis qu'on se continue à se battre et on va arriver. Et puis tous ces cons qui nous gouvernent, on va réussir à en faire quelque chose un jour. J'y crois, on y croit. Restons fous un petit peu avec Areski et Fontaine et à très vite. Bye bye. Vous et nous sommes très doux, vous et nous. Nous sommes des loups, des filous, nous sommes des poux, des bijoux. Dénouez-nous, dénouez-vous, dévouez-nous, dévouez-vous, vouez-vous à nous, vouez-nous à vous. Déjouez-nous, déjouez-vous. Avouez-nous, avouez-vous, nouez-vous à nous, nouez-nous à vous. Nous sommes tous nous, vivons-nous. Nous sommes tous vous, vivons-nous. Fions-nous à nous, louons-nous, donnons-nous à nous, chantons-nous. Nous sommes des fous, ça me défend, nous, vous et nous. Nous sommes très doux, ça me très doux, vous et nous. Nous sommes des loups, nous sommes des loups, des sommes des loups, nous sommes des poux, des bijoux. Dénouez-nous, dénouez-vous, dénouez-vous, dénouez-vous, vouez-vous à nous, vouez-nous à vous, vouez-nous à vous. Déjouez-nous, déjouez-vous. Nous sommes tous nous, nous sommes tous nous, vivons-nous. Nous sommes tous vous, sommes tous nous, vivons-nous. Fions-nous à nous, fions-nous à nous, donnons-nous à nous, chantons-nous. Dénouez-nous, sommes-nous et vous, dévouez-nous, dévouez-nous, sommes-nous.